Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Splash Web Radio, il est Ah bon? 21h. Oui? Putain, merde! Merde, moi j'étais venu Oui? pour Japan FM! Oh, fais chier! Perdu, perdu, perdu, perdu, petit sacripant Putain de la merde. sacripanière. Bon bah je me casse, hein. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, vis ta vie, voyage, parcours les champs de maïs et les hectares de blé, fais face au soleil couchant. Et accomplis ta quête. Et pas ta quéquette. Voilà, pardon. Non, non, Ouais, pas les cette blagues sur lumière. la bite, hein, ça va, hein. Oh, on fait tous des blagues sur les zizi, alors on arrête hein, maintenant. Hein, Voilà, exactement, parce que nous, ça nous lol. Hein. hein. Nous, ça nous Regardez. fait trop lol. Sgeg. Sgeg. En réalité, il est vraiment mort de rire, en plus, c'est ça le pire, je crois. Intérieurement, je rigole beaucoup, oui. Intérieurement, tu rigoles beaucoup. Donc ouais, YOLO Records. Cette semaine, on va toujours pas parler de, on va toujours pas parler de Five Nights at Freddy's. Non, mais non, je l'ai senti. Tu l'as senti? Ben non, mais puisque de toute façon, on a dit de quoi on allait parler aujourd'hui. Mais Bah on oui, on parle va de quoi finir le aujourd'hui? 3. On parle de quoi? On parle de quoi? Attends, je me souviens plus déjà. Merde, merde, c'est quoi bordel? Putain, ça Putain. commence. C'est le J7, c'est le T9. Ah Non mais putain, j'en sais c'est plus. le G8. C'est non mais on va parler du Le G8, hein. G8. Le Si on parle du G8, G8, hein, qui est. on va avoir des problèmes, moi je te le dis. Et pourquoi? Hein, pourquoi monsieur? On Moi a le j'ai droit de pas parler de peur. politique. Le G8, ça ne m'effraie pas. Bande de Tous les bouseux. présidents là, hein, bande de bouseux. Enculé. Là par contre, on va avoir des problèmes. Mais là par contre, on va avoir des problèmes, ouais. Oh, on déconne, hein, c'est pas notre genre. Moi non, nous on n'est pas comme ça, enfin je veux dire, vous nous connaissez. Oh, très respectueux. Exactement. Notre président. Non, Bref, le non, 3. non, ta gueule! Donc, le 3, oui, suite de le 3. Non, suite de l'E3. Petit résumé, on avait parlé de quelle conférence la semaine dernière? On avait parlé de la conférence Microsoft. Microsoft. Je réfléchis de Ubisoft, Electronic Arts et Bethesda. Exactement. Et cette semaine, bah, on a encore mieux puisque la première avec laquelle on va commencer. Il sait même pas. Je. Bah si, non, mais je sais, je sais, je sais, je sais ce que c'est comme conférence, mais c'est le pew du genre. Je suis sur le cul en fait, tu vois. Ce C'est serait le. donc Oui. Square Enix? Non. Non, je déconne. Non, Square Enix. c'est Sony. On va Eh oui. parler de la conférence Sony. La conférence Sony qui était un orgasme géant de 2 heures pour tous les. Pour tous les nerds en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés. J'ai envie de dire tous ceux qui sont nés dans les années 90 ont eu au moins 50 millions d'orgasmes avec cette conférence. Que ça? Oui, que ça, oui, parce que je reste gentil. Mais déjà, la première annonce, rien que la première annonce, ça a été The Last Guardian. Voilà, on nous annonce enfin définitivement The Last Guardian. Bon, le jeu, ça fait un peu 10 ans qu'il est annoncé en réalité, mais. Et quand je dis 10 ans, hein, c'est pas une blague. Hein. Sa première annonce, c'était en 2006. C'était le 3 2006. Donc voilà, ça fait 9 ans, hein, bien presque 10. C'est vrai que. Bah, en fait, la conférence Sony, ça a été l'Arlésienne. Ça a été l'Arlésienne, ça a été. Regardez, on a exactement tout ce que vous voulez. Tout ce que vous aurez cru ne jamais voir sortir un jour, bah on l'a. Et on l'a sorti de notre cul. Et on l'a sorti de notre cul. Non mais voilà, enfin je veux dire, première annonce, The Last Guardian. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, quoi? Toi, je sais pas, alors, je sais même pas quand est-ce que tu l'as regardé, cette conf. La conf Sony? Ouais. J'ai pas pu suivre moi du coup. Voilà, moi je l'ai vu en live. J'étais dans un état extrêmement pitoyable à la fin, en réalité. C'est-à-dire que j'étais avec ton deuxième papa. Oui. J'étais avec ton deuxième papa et lui comme moi, on a eu des orgasmes à répétition. Ça a été cette conférence a été ça a été Orgasmoland, quoi, tu vois. C'est genre on n'aurait jamais cru pouvoir ouais, on aurait jamais cru, quoi. On n'aurait jamais cru, déjà rien que dire The Last Guardian, surtout que The Last Guardian, bah, ils ont pas montré que un trailer à la con, ils ont montré du gameplay. Donc le jeu est véritablement là, en fait. Il existe pour de vrai depuis le temps. Enfin voilà, moi je me souviens, ça fait à peu près peut-être un an que Maxime de Globtopius, qu'on avait reçu ici il y a bientôt un an, avait fait un fond de l'affaire sur justement les jeux qui paraissent beaux mais qui ne sortiront jamais. Et dans l'eau, bah, il y avait The Last Guardian. Parce que c'était vraiment, enfin, l'Arlésienne, c'est ce jeu qu'on sait qu'il existe, on sait qu'il est là, on sait que, mais on n'y croit pas une seule seconde, quoi. On croit pas une seule seconde que ce jeu va sortir parce que c'est un peu en genre foutu de ma gueule, quoi. Voilà, c'est vraiment le foutu de ma gueule, quoi. Putain, attends, je reviens. Je t'en prie, occupe les auditeurs, j'ai un souci avec mon chat. D'accord, ok, le souci du chat, très bien. Donc ouais, ça a vraiment été l'Arlésienne et j'aurais jamais cru voir ce jeu sortir un jour, quoi. Vraiment, pour moi, The Last Guardian, c'était le jeu qui ne sortirait jamais. Voilà, c'était foutu, le jeu. C'était ton rêve inaccessible. Voilà, enfin rêve après, oui et non. Hein. Non, mais c'est pour le mélodramatique, ferme ta gueule. Parce que ce sera une exclu PS4, donc oui, pour le coup, j'aurais un peu de mal à ce que ce soit un rêve, mais. Mais ça reste quand même un jeu entre guillemets emblématique, j'ai envie de dire. Parce que, bah oui, justement, il a acquis un statut culte par le fait qu'il n'est jamais sorti. C'est-à-dire que le jeu, avant même d'être sorti, il est déjà culte. Parce que justement il est jamais sorti. Donc justement pour être honnête, il y a une énorme hype. Même moi qui ai pas de console Sony, je regardais ça, j'ai fait wow, putain, quoi. Merde, The Last Guardian pour de vrai. Waouh. Oh my god, it's amazing. Alors que je sais que j'y jouerai jamais, quoi. Tu vois, c'est voilà, ça a été vraiment, j'ai pas envie de dire un rêve de gosse, parce que non, pas un rêve de gosse, mais ouais, l'Arlésienne, ça colle très bien, quoi. Le truc, tu sais, tu pensais que ça sortirait jamais et finalement ça sort, et quand on te l'annonce, tu fais ah ouais, putain, merde quand même, quoi. Merde, putain, The Last Guardian, quoi. Ah, merde, il sort pour de vrai. T'es content, même si t'y joueras jamais, parce que t'as pas ce qu'il faut pour y jouer, mais t'es content quand même, quoi. Donc voilà. Alors après, dans les annonces, on a eu ah oui, il avait l'air intéressant, blablabla, tout ça. On a eu Horizon Zero Dawn annoncé par les créateurs de Killzone. Alors, une espèce de truc avec des dinos motorisés, genre Jurassic Park, mais dans un monde de robots. Savais pas, j'ai pas été hypé à mort, mais ça avait l'air cool, principalement parce que je suis un gosse et que moi tu me parles de dinosaures méca qui voilà, tu vas te battre contre des dinosaures méca un peu comme dans genre un Monster Hunter, mais avec des dinosaures et non pas des monstres. Moi enfin j'en colle partout, quoi, tu vois. Il y a pas un moment où je m'arrête, quoi. C'est a fait genre ah oui, des dinosaures méca, bordel. C'est con, hein, mais c'est jouissif, quoi. C'est voilà, je sais pas, toi, non, t'as rien à dire sur ce? Non, bah j'ai vu les vidéos, il m'a l'air plutôt sympa. Ouais, je pense un peu barré, en fait, un peu barré, ouais, mais honnêtement, enfin, tu m'aurais pas dit que c'était de l'indé, j'aurais pas pensé que c'était de l'indé. Ah non, mais attends, de quoi tu parles? Le truc avec les dinosaures. C'est indé? Avec la meuf là, tu chasses à l'arc. Ouais, c'est de l'indé, ouais, c'est de l'indé, ça. D'accord, je savais pas du tout. Eh ben tu... ben voilà. Voilà, ben voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est tellement, tellement beau, tellement. Non, j'aurais pas cru que c'était de l'indé, pas une seule seconde. Eh ben tu... Ben écoute. Ouais, Je te enfin l'apprends. voilà. Bon, je pense qu'après, justement, toi, t'attendais ce truc-là. Hitman. Le nouveau Hitman. Alors, je l'attendais pas plus que ça, mais je suis content qu'il y ait eu l'annonce et il est honnêtement prometteur. Ouais, bah, encore une fois, pareil, je vais me mettre plein de gens à dos. J'ai jamais aimé Hitman. J'ai joué un peu à des Hitman. Je suis pas fan. Voilà. Je vais me faire tabasser, hein. Je vais me faire tabasser, mais j'y suis pour rien. Non, après, Hitman, c'est particulier, honnêtement. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est particulier. Du coup, non, personnellement, je ne t'en veux pas. Moi, je ne t'en veux pas. Parce que voilà, j'aime bien, mais c'est... comment dire? Généralement, ça plaît. Mais il y a quand même un gros fan service autour d'Hitman. Oui, voilà, c'est ça, il y a énormément de fan service qui se fait, quoi, parce que. Donc, du coup, voilà, après, c'est une bonne surprise. Moi, je sais que ton deuxième papa était fou quand ils ont annoncé Hitman. Moi, j'ai fait ouais, bah c'est Hitman. Bah, parce que les Hitman sont sympas, le dernier Absolution était sympa aussi. Après là oui effectivement ils reviennent c'est un petit peu revenir aux sources quand tu vois ce qu'ils présentent voilà c'est tu t'as plusieurs possibilités de faire enfin il est plus similaire Au premier Hitman que. au premier parce qu'Absolution était très action en fait Oui, c'est-à-dire que voilà. c'était un Hitman certes mais après voilà c'était Et peut-être pas le Hitman que les gens attendaient, quoi, c'est ça. Non, enfin, Absolution, oui et non. C'est-à-dire qu'il était très attendu et il a pas, c'est pas qu'il a déçu, mais voilà, ça fait un petit flop. Ouais, voilà. Donc, Moi, enfin, j'ai jamais aimé les Hitman, hein. Je le cache. Voilà, je me cache pas, il y a des trucs comme ça, j'aime pas. C'est la vie Bobby, hein. Ça m'a jamais parlé. J'ai plein de gens qui ont essayé de m'y mettre, à me dire, mais si, c'est trop bien, regarde, et tu peux faire ça, et tu peux faire ça, et tu peux faire ça, et. Mais j'en ai rien à foutre, je n'aime pas, ça me parle pas, ça me donne pas envie, il n'y a pas de. C'est, voilà, comme tu bah, dis, t'accroches pas. T'accroches. T'as comme. fait l'effort d'essayer, ce qui est Voilà, j'ai bien. fait l'effort d'essayer, mais ça m'a pas plus parlé que ça. Je pense que, comme tu dis, il y a un gros potentiel, effectivement, de mouillage de culotte si t'es un fan de la première heure. Voilà. Ce que moi je ne suis pas, du coup, quand j'ai vu le trailer pour le Hitman, bah j'ai fait. Ah, bah c'est Hitman, quoi. Ah, ça m'en a touché une sans remuer l'autre, quoi. Ce qui est Oh, mais très non, mais ça... étrange, parce que vu qu'elles sont dans le même sac, normalement, si t'en touches une, tu remues les deux, mais. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Pour moi, c'était pas non plus. Enfin, ça n'a pas été un des jeux qui a été annoncé plus tard, quoi. Clairement, pas longtemps après, il y a eu bien, bien, bien, bien, bien, bien mieux, quoi. C'est vraiment. Là, par contre, j'ai mouillé ma culotte. Mais sinon, ouais, sur Hitman, oui, bon, c'était sympa, quoi. Après, ah, mais c'est pas le genre de jeu où je vais dire, ah oui, il faut que je l'achète Day One. Oui. Non, je peux très bien vivre sans, je vivrai très bien, quoi. Tu vois, c'est. J'aurais pas de soucis à ne pas y jouer, quoi, tu vois. Non, mais t'as pas accroché. Après, voilà, moi, honnêtement, je serais pas en mode je vais l'acheter Day One, tu Ouais, voilà, mais bon, t'as envie de l'acheter quand même, quoi. Et après, vois. voilà, c'est pas Mais voilà, forcément. je l'achèterai quand l'occasion se présentera. Oui, voilà. Si elle se présente pas, elle se présente pas. Si elle se présente, tant mieux. Après, de toute façon, il y a tous des. Y a plein de jeux comme ça. Hein. Moi, je préfère. Il y a très peu de jeux qui, au final, me font dire celui-là, je l'achèterai Day One. Je préfère toujours attendre, quitte. Je sais que c'est mal, hein, quitte à le télécharger, justement Day One, pour le tester, pour l'acheter après. Mais j'... Après, si le téléchargement se fait dans l'optique d'un achat éventuel, Voilà, c'est ça. c'est moins mal. Allez, mon fils, je t'accorde le pardon. Non, c'est plutôt l'inverse, mais Oh, ta gueule. C'est plutôt l'inverse. Mais voilà, il y a eu tellement, tellement de déceptions ces derniers temps. Surtout, bah oui, on va encore, je vais encore taper dessus, hein, je suis désolé, mais il le mérite. Arkham Knight, quoi. Enfin, c'était la déception pure et dure sur PC, ce jeu, quoi. Enfin, Oui, le jeu qui sort. c'était une déception technique. Ça a été. Ouais, mais voilà. Et du Précisons, coup. parce qu'il y a plusieurs types de déceptions Oui, il y et a plusieurs types de déceptions. Il y a la déception technique du genre, ah bah oui, bah le jeu il tourne pas sur PC, sur aucun PC. D'ailleurs, pour une fois, c'était pas genre, ah ouais, il tourne pas sur mon PC. Non, non, il tourne sur aucun PC. Voilà, tu fais putain, sérieux quoi. Et effectivement, après, il y a les déceptions du genre, ah bah non, mais c'est de la merde. C'est l'histoire me plaît pas, ou ça parle pas assez de ma bite, ou tu vois. Oui, voilà. Alors ça, c'est le genre de déception où, bah oui, bah écoute. À ce moment-là, t'es content de pas avoir mis, 70 euros dedans, quoi. C'est con, mais pour moi, ça me semble logique. Enfin, j'ai pas spécialement envie de mettre 70 boules dans un jeu auquel je jouerai pas parce qu'il me parle pas, tu vois. Genre. Oui, bah c'est pour ça, généralement, si tu as un doute sur un jeu, soit effectivement, tu en viens à le À le télécharger télécharger, oui. pour avoir, on va dire, plus d'éléments, juste Voilà, que tu c'est peux avoir ça, dans... Parce que pouvoir. après, tu as des gens qui font, ouais, mais attends, t'es un connard, il y a les démos, t'es pas obligé de télécharger le truc. Ouais, mais le problème des démos, c'est que des fois, ça te montre le meilleur et pas le pire. Voilà, c'est ça. La démo, elle est choisie par l'éditeur quand même, hein. Voilà, c'est ça, c'est Donc, vraiment le le mec, il va genre. pas te mettre le pire du jeu dans la démo, il va te mettre le meilleur, effectivement, quand... Puis même à maintenant, 80% de... les démos, ça reste rare sur PC, j'en ai pas vu une depuis des années, quoi. Sans Et bah, déconner, quoi. la démo, honnêtement, ça se fait de moins en moins les démos. Bah ouais. C'est trouver maintenant une démo. Avant, t'en avais à tire-larigot, t'avais quasiment que ça. T'avais même des fois des démos de jeux qui ne sortaient jamais, pour Oui, tout bah oui, dire. non mais c'est ça, voilà, c'est exactement Maintenant, ça. voilà, bah, parce qu'il. On va dire que les démos sortent pour les jeux qui se font confiance. Il y a des jeux qui ont confiance et qui du coup vont sortir parce qu'ils s'en foutent. Ouais, voilà, c'est ça, ils s'en foutent Mais complètement. un éditeur qui sait que son jeu, il y a des trucs, il se dit je préfère me prendre une pierre dans la gueule que perdre de l'argent, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et je trouve ça extrêmement dommage. Et... Mais voilà. Voilà, j'ai pas Hitman. Hitman, c'est clairement pas le jeu qui m'a fait me dire eh tiens, celui-là, je vais me l'acheter. Même je vais me l'acheter tout court en fait. Voilà, je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé, hein, désolé les gars, mais c'est comme ça. Après on a eu No Man's Alors, celui-là, c'est un ovni. Sky. J'ai pas été. Sans vouloir faire de jeu, c'est un jeu indé d'exploration de planète. Mais honnêtement, quand tu vois. C'est super bizarre parce que quand tu vois les vidéos de gameplay, tu vois la présentation. Voilà, il t'explique brièvement ce que c'est et. T'as vu le truc, c'est pas moche, hein, honnêtement, Ah oui, c'est très beau, c'est y a très une très belle patte beau. graphique, tout ça, mais tu te dis, je sais pas ce que c'est, vraiment, t'es un peu dans le gaz, et t'en ressors pas avec... Moi, à mon avis, si j'en suis pas ressorti avec l'envie de, je vais me l'acheter ou je vais pas me l'acheter, bon, je vais pas me l'acheter parce que c'est pas trop mon style de truc, tu vois, mais après, honnêtement, tu sais pas quoi en faire, parce que tu sais pas vraiment ce que c'est. C'est exactement ça. C'est un dé, c'est joli. Mais à part ça, Mais voilà, en gros, ouais, de ce qu'on t'explique, c'est un truc. En fait, tu explores des planètes, donc tu auras un monde ouvert immense, puisque tu auras l'univers plus les différentes planètes à explorer. Tu auras la possibilité de pimper ton vaisseau et d'avoir un vaisseau qui était propre à toi. Je crois qu'il y aura aussi des possibilités de bataille galactique spatial, apparemment, spatiale ouais. avec des gens avec des voilà ça sera un truc enfin, ça sera une sorte de MMO quoi. Mais à part ça, moi, ça m'a pas. Mais après tu sais pas enfin tu te dis est-ce qu'il y a une ligne est-ce que c'est une espèce de Est-ce que sandbox? c'est. Voilà, est-ce que c'est une sandbox? Est-ce que c'est un truc à la Minecraft ou. Est-ce que c'est un Minecraft spatial? Est-ce que voilà tu t'as Voilà, t'as pas de lignée, tu sais pas. Ça a l'air sympa, Voilà. ça a l'air joli, mais tu sais pas. Tu tu sais pas ce que ça peut valoir, tu sais pas ce que ça peut donner. C'est un jeu qui est très. Il m'a un peu confus, quoi. J'étais vraiment genre, ouais. Ok, d'accord, oui, pourquoi. Genre, pourquoi pas? Honnêtement, Y a pas de toutes les de. annonces de l'E3 qu'il y a eu cette année, bah celle-là, elle se démarque. Parce que Ouais. mais ça arrive comme une testicule dans ta soupe, quoi. Tu sais pas ce qu'elle fout dedans. Voilà. Et après, tu sais pas si tu dois manger ta soupe ou pas non plus. Donc, Voilà, c'est ça. C'est tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu sais pas si tu dois la manger, quoi. Parce que ça a pas l'air extrêmement bon, quoi. Mais non, mais voilà, c'est ouais. Mais pourquoi pas? Je sais pas, j'ai pas été transcendé. Bon, en même temps, niveau jeu, voilà, je suis très chiant, hein. Des gens l'ont compris depuis. Hein, on est au 9-10e épisode. Hein, si les gens n'ont pas compris que je suis chiant en matière de jeux vidéo, Non, je sais pas ce qu'il vous faisons une faut. pause psychologie. Tu n'es pas chiant au niveau jeu vidéo. Je suis difficile. Hein. Ni difficile. Ah, je suis extrêmement difficile. Non, tu es comme tout le monde, ça veut dire que tu as ton idée propre de ce que tu aimes dans le jeu. On est complètement d'accord là-dessus. Finalement, t'es chiant en vue de ceux qui sont Facile. ouais, dociles, qui sont faciles, qui voilà, qui aiment bien le jeu en règle générale. Toi, voilà, t'es le. Je sais pas, c'est comme un mec qui te dit j'aime pas Lovecraft. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, bah Lovecraft, c'est un peu un classique de la littérature. Le mec qui dit j'aime pas Lovecraft, j'aime pas Jules Verne, j'aime pas. Tu dis, mais t'es un connard, toi, tu. Non, t'aimes pas le style. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, ce jeu ne me parle pas, hein, je suis désolé. D'ailleurs, il y en a eu un qui a été annoncé juste après, pareil, ça a l'air d'être de l'indé aussi. Dreams. Alors, c'est marqué un jeu ou un outil de création sublime graphiquement, mais un peu chelou dans son concept. J'ai pas trop compris le truc, donc. Bah, ça fait partie de. Comment dire? De ces jeux chelous qui sortent. C'est de l'indé pur et dur. Parce que quand on joue à de l'indé, il y a beaucoup de jeux indés où tu te dis, mais putain de fuck de merde. À quoi je joue? C'est ça. C'est. Parce que ce qui différencie l'indé du. Du Outre le triple A. budget. Du triple A, outre le budget et autres, hein. C'est que y a pas de le mec qui fait de l'indé en gros il fait ça aussi un peu pour lui c'est il fait ça un peu pour lui et c'est comme le cinéma d'auteur c'est-à-dire que voilà le mec il fait ça avec ses tripes C'est alors exactement ça. honnêtement t'as des mecs qui disent putain il doit avoir des tripes un peu chelou hein, quand tu vois ses jeux quand Oui. tu vois ses films. Mais voilà, ils sont pas soumis à un budget, ils sont pas soumis à une réputation, ils sont pas soumis à un timing, ils sont pas Après, soumis. réputation pour certains, si, quand même. Oui, oui, non, parce que t'as de l'indé qui, l'indé de renom, donc forcément après il y a Voilà. une réputation à tenir. Mais l'indé indé, de l'indé, merde. Et c'est un seul dé, hein, pas plusieurs. C'est de Oui, l'un des oui, 6 ou de l'un des 12 ou oui. des trucs comme ça, mais C'est qu'un c'est seul indé. pas. Indé 1. Voilà. Ouais, non, voilà, le véritable indé, c'est généralement, c'est un jeu, tu joues, tu sais pas où tu vas, quoi. Voilà, c'est exactement Et ça. Tu après, sais pas. voilà, à toi, si t'as un bon feeling avec l'esprit créatif du mec, bah ça va te plaire, ça va pas te plaire, Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est pour ça, l'indé. pour revenir, comment dire, au jeu, là, où tu chasses des dinosaures robots, Ouais. c'est clair comme un triple A. Oui, c'est très très beau. C'est extrêmement, c'est C'est beau, magnifique. tu sais où tu vas. Voilà, tu te dis, bon, après reste après l'histoire, tu sais pas trop le pourquoi du qu'est-ce, mais tu sais que déjà tu sens qu'il y a une histoire derrière. Tu le sens. Et voilà, le truc est pondu et tu te dis pas, putain de merde. Limite, tu te dis, bon, alors c'est qui? Alors c'est Square Enix, c'est Electronic Arts, c'est Ubisoft qui nous pond ça. Tu partirais plus sur un Ubisoft au vu de certains éléments. Et là, on dit non, c'est un dé. Là, tu fais ah bah merde. Voilà, Ah bah putain. c'est exactement ce qui est arrivé, hein, au début de cette chronique. Ah bah merde, c'est de l'indé, putain, merde. Voilà, mais non, non, mais après Dreams et j'ai plus le nom. Je l'ai plus non plus. Enfin, celui d'avant. Celui d'avant, Voilà, on va l'appeler ouais, celui bah d'avant. ouais, bah c'est ils sont, c'est de l'indé quoi. C'est Ouais, clairement de l'indé. et les mecs qui bossent dessus et qui ont vendu ça à Sony, ils l'ont vendu comme de l'indé. Donc du coup Sony s'est retrouvé avec un truc en disant c'est de l'indé. Voilà ce qu'on a dessus. Mais chez Sony, ils sont dans le même état d'esprit que nous. C'est-à-dire que putain, ils se retrouvent avec un truc. C'est un peu du poker, enfin, ou de la roulette, ou de la... c'est un peu du casino, quoi. Ils misent dessus parce qu'ils sentent. Mais je pense que dans Ils l'état sentent qu'il y d'esprit, a un le même, truc, ils sentent qu'il y a un truc. À mon avis, il y en a chez Sony qui ont dû se dire, waouh, putain, je sens quelque chose dans ce jeu-là. Et donc, du coup, à la majorité, ils vont se dire, bon, bah, hop, c'est parti, quoi. je pense que c'est ça aussi, hein. Mais donc du coup, ouais, on verra. Voilà, moi je dis on verra bien ce que ça donnera quand ça On verra. sortira. On verra. Ça peut être très agréable à jouer parce que ça peut être, voilà, si tu dis, putain, je joue à un indé, quoi. Ça peut être très agréable à jouer Ça, comme ça peut être de la grosse merde, hein. Voilà, c'est. exactement. Et je pense que c'est pas au niveau du la qualité de jeu. Qu'on dira que la critique se fera sur c'est de la merde ou c'est bien. Je pense que ça sera en fonction de. Je pense franchement la critique sera super personnelle sur ces deux jeux-là. C'est-à-dire que les gens diront ouais j'ai aimé parce que voilà j'ai eu un feeling avec avec ce que le mec a essayé de transmettre dans le jeu. C'est tout. C'est exactement ça. Donc Et non non. ça peut être très intéressant comme bah encore une fois, ça Ah peut mais être ça peut être très totalement à intéressant. chier. Voilà. Ça peut être très intéressant maintenant. Voilà, c'est vrai que ça va être un coup de poker. C'est-à-dire que si ces deux jeux-là, on les achète, soit on va être raccord avec les deux, on va se dire putain, j'ai bien investi, je suis content, c'est bien. Soit on aura les boules parce qu'on dira putain, j'ai perdu peut-être. Bon, on sait pas combien en sortir, quoi, mais ouais, j'ai perdu temps. Parce J'ai que voilà, perdu non, tant de sous, ça me fait chier quoi, c'est ça me ça. fait chier, mais on aura un recul plus philosophique en se disant bah ouais, j'ai pas aimé parce que bah, j'ai pas compris. J'étais pas connecté avec le mec en fait. J'étais pas avec lui à ce moment-là. Ce Donc qui, malheureusement, dans les indés, arrive très souvent, soyons ouais, d'accord. non mais c'est pour ça en fait. C'est ça qui est bien, c'est que t'aimes ou t'aimes pas, on va pas juger là-dessus. C'est de l'indé. Voilà. Ensuite, il y a eu l'ascenseur émotionnel Sony. L'ascenseur émotionnel Sony parce que il commence par parler du monde de Final Fantasy. Et là, tu commences à hyperventiler en mode oh putain, ça y est, FF7. Tu hyperventiles, t'es en mode oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Toi, t'as fait directement le lien entre ça et FF7? Bah, tu sais qu'il y a Sony et il te parle d'un jeu où il parle de Final Fantasy. On sait que c'est pas le 15 parce que le 15, bah, il y a déjà eu la démo, il y a déjà plus ou moins tout en réalité. On a la date de sortie, on a tout. Donc, tu te dis, je peux pas avoir de surprise, ça peut pas être un. Enfin, il y a très peu de chances que ce soit un nouveau jeu. Oui, mais après, tu vois bien que sur les conférences, t'en as beaucoup qui ont annoncé telle ou telle chose. Et au Oui. final, ouais, c'est des trucs que c'était sans surprise. Voilà. Mais là, il commence à parler du monde de Final Fantasy et tu te doutes que ça va être FF7. Tu te dis dans ta tête, voilà, ça y est, Sony, ils sortent le gros matos, ils sortent FF7. Et là, Et tu as là. un World of Final Fantasy. Et tu fais, ok. Très, très bien, ok. Tu sais, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. C'est, ouais, ah non. Et à la fin de ça, ils te sortent un trailer. Tu te dis putain c'est beau mais putain je connais. Non, mais en fait, même pas. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à voir le trailer, j'ai su ce que c'était. Parce que j'ai passé tellement d'heures sur ce jeu que je savais exactement ce que c'était. Mais j'étais genre, je suis sûr que c'est ça. Mais je suis pas certain. Tu vois? Fallait t'attendre qu'il lâche le mot quoi. Il fallait la confirmation. Il fallait la confirmation, il fallait que je sois sûr. Mais il y a eu des trucs, en fait il y a eu deux, trois trucs. Le premier, ça a été la vision de la ville. Tu vois la ville très rapidement, c'est extrêmement rapide, mais tu la vois. Et là, tu fais, oh mon Dieu, oh oui. Ok, d'accord, ok, c'est ça, c'est ça. T'as une autre scène où tu vois une ruelle sombre avec un bouquet de fleurs par terre et tu fais, oh mon Dieu, c'est bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est sûr, c'est certain, c'est... Et tu vois une grosse épée dans le dos d'un mec et un bras mécanique et tu fais, oh putain, ça y est. Oh putain, ça y est, c'est bon. Et sans déconner, moi j'ai tout regardé en live. J'ai tout regardé en live. Et j'étais là, j'étais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais littéralement, je n'arrêtais pas de répéter, oh mon Dieu. Oh my fucking god. Et il y avait donc ton deuxième papa, Florian, qui était avec moi sur Skype, qui lui À était pleurer. dans... Non, il était silencieux. Mais c'est-à-dire que moi, j'étais en mode, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je pétais un câble. Et lui était juste absolument silencieux, il n'a rien dit. Mais je sentais que il en pouvait plus, quoi. Je sentais que le mec, il était au bout de sa vie. Il était mort, quoi. C'est... Contrairement à moi, lui, il a réagi, c'est-à-dire que je l'ai entendu réagir quand ils ont vraiment montré Cloud et Barrett. Et là, c'était l'explosion. Et là, il a fait... J'ai entendu ça, mais pendant tout le truc, il est resté silencieux en mode j'espère que c'est ça, mais je veux pas être déçu, tu vois. Ouais. Alors que moi j'étais là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, et j'étais mais certain, et putain, Final Fantasy VII Remake. Alors, le truc, c'est que j'étais ultra hypé parce que FF7. Y a rien à dire, FF7, quoi, tu vois. Ouais. C'est le premier FF que j'ai fait, c'est celui que je fais encore maintenant. Là, j'ai une partie qu'on est à. Actuellement, à l'heure où on enregistre, hein, j'ai une partie qu'on est à 40 heures. J'ai même pas encore fini le CD2, quoi, tu vois. J'en suis à 40 heures de jeu, j'ai même pas fini le CD2 parce que j'ai farmé pendant des heures pour avoir toutes les limites de tous mes personnages. Même Aerith, tu vois. Oui, effectivement. Et maintenant qu'on est un mois, alors on enregistre, c'est un mois après, à l'heure où c'est diffusé, ça doit être 4-5 mois après, donc je pense que je serai dans le même état d'esprit. Je suis un peu plus calme. C'est-à-dire que je suis toujours hypé, mais moins. T'es redescendu. Je suis redescendu parce que il y a eu des news qui sentent pas bon. Oh. Parce que les mecs ont dit que clairement l'histoire allait changer Ça, c'est pas bon, ça. et que le gameplay, les combats ne seront pas les mêmes. Ce sera pas du tour par tour. Ah, ils veulent reprendre le système du prochain FF. Je pense qu'ils vont reprendre le système de FF13. On n'a pas d'infos là-dessus. Normalement, le mois prochain, donc en août, vous, ce sera déjà passé. On en parlera peut-être si on fait une spéciale Final Fantasy, ce qui est dans les tuyaux. Mais il y aura plus d'informations en août, où ils sortiront, où ils donneront un peu plus d'infos, donc sur le gameplay, le système de combat, tout ça, et ils donneront une date de sortie. Ça, tout le monde l'attend. Ça, tout le monde l'attend. Moi, je planche pas. Sincèrement, je m'attends pas sur un truc avant au moins 2017. Soyons d'accord, je m'attends pas à un truc. Voilà. Pour moi, 2017, c'est et encore, j'y crois pas. S'il sort en 2020, ça me choquerait pas. Après, ça dépend, parce que si ça fait un moment qu'il planche dessus, Bah, on sait pas justement. c'est On ça le sait pas. suspense. On n'en a aucune idée et. Pour moi, le... Enfin ouais, j'attends quoi. J'attends de voir. J'attends de voir ce qui va être dit et je verrai à ce moment-là si je suis toujours ultra hypé. Même, alors j'ai envie de dire, autant, alors j'ai pas encore joué à FF13, à l'heure où on enregistre, ça, peut-être que quand ce sera diffusé, ce sera fait. J'ai pas encore joué à FF13, mais... Le système de combat de FF12 ne m'avait, contrairement à beaucoup de gens, pas gêné du tout. Et c'est con à dire, mais moi, ça m'avait pas gêné le système de FF13. J'ai pas eu de. J'ai Alors, pas eu ça de. change quoi. Ouais, voilà, j'ai. Ça change et ça me dérange pas. C'est. Si c'était resté en tour par tour, là, ça m'aurait peut-être un peu plus dérangé. Parce que, autant dans un environnement 3D comme la PS1, bah, ça semblait logique de faire des combats tour par tour, même sur console portable. La DS, la 3DS, tout ça, je pense à Pokémon. Ou le système de combat où tu marches, il n'y a rien, et puis d'un coup, buuuu, t'as un écran de combat. Ça me semble logique dans un. Bah, pour ce genre de console, sur PS2, PS3, PS4, ça me semble pas logique. Et je pense que s'il y avait un jeu qui sortait avec tu marches dans la nature en 3D, donc environnement 3D magnifique, tout ça. Si t'avais ça, si d'un coup tu marchais dans une pleine vide et que d'un coup t'avais un combat, ça le ferait pas du tout. Ça ferait très con. Voilà, je pense à Dragon Quest 8. Ça faisait très con. J'adore ce jeu, mais ça faisait très con. Ça marchait pas. Parce que tu marchais dans des grandes plaines en 3D qui sont entièrement vides et puis d'un coup, pu, t'as un écran de combat et tu fais. Quoi? Mais ta mère! C'est, tu fais moitié de fuc. tu vas avoir, moi je repense à par exemple un truc qui était bien, c'était Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy Color, Oh putain, c'était énorme ça. où tu avais des petites boules vertes qui se déplaçaient sur la map. Et justement, si tu rencontrais un de ces trucs, écran de combat. Ça, dans un environnement en 3D, ça marche bien. Ou ben justement, mettre un ennemi et avoir justement un gameplay qui soit différent du coup, qui ne colle pas à ce que qui ne colle pas à ce que tu as l'habitude de voir, ça me choque pas parce que on est quand même à la, il me semble, 8e génération de console. Oui. Il y a un moment où il faut que les choses évoluent. Et c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait Square avec FF12 quoi. Ça évolue et c'est pas plus mal. Après, bah, je verrai bien. Voilà, moi j'y jouerai, c'est sûr. Je l'achèterai, j'en sais rien. Peut-être que je vais y jouer 5 heures et que je vais dire, bah non, je préfère l'original. Je préfère l'original, j'ai plus d'heures de jeu, j'ai préféré, j'adore le système de combat. L'histoire, le système de combat ou trop changé, ça me gêne. Bah, je reste sur l'original. Mais pour les. Enfin, faut quand même dire. Puisqu'on parlait de ça la semaine dernière, des gens qui ont du mal avec les graphismes. C'est Oui. vrai que quand tu regardes FF7, si tu n'y as jamais joué, je pense aux jeunes de maintenant, tu vois, qui sont habitués à des jeux PS4 qui sont magnifiques, bah FF ça pourrait les tenter. Sauf que bah FF7 est moche. Soyons d'accord, c'est moche. Bah, ça a son charme, hein. Ça a son charme, mais c'est moche. Si tu fais un comparatif avant et aujourd'hui, oui. Bah voilà, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est les jeunes qui grandissent aujourd'hui qui pourraient être super intéressés parce que FF7 est intemporel. Les thèmes sont intemporels. La perte, la mort, c'est intemporel. Ça Ah ben c'est marchera toujours. ça fait partie des classiques, quoi. Mais malheureusement, bah, les jeunes qui ont grandi avec la PS4, la PS3, donc qui aujourd'hui vont avoir quoi? 10, 12, 14, 15 ans? Bah FF7 c'est moche et c'est des cubes et c'est pas beau et ça change énormément de ce qu'ils ont l'habitude. Il y en aura certains qui vont y jouer parce que c'est un jeu à faire ou parce qu'ils aiment ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui vont être rebutés par les graphismes et qui portent ça, qu'ils le passent en HD, véritable HD et pas ce qu'ils ont aussi annoncé le fameux soi-disant HD Remaster qui est celui qui est sorti sur PC sur Steam en 2012, qui est juste un hub graphique des textures, bah malheureusement ça n'a pas attiré énormément de joueurs quoi. En plus ça c'est clairement traire la vache quoi. Si tu Oui. tires sur l'ambulance à faire ça. Ah, je me rends compte qu'on a beaucoup parlé de ce FF7. On va avancer et puis bon bah Shenmue 3 quoi. Ouais. Shenmue 3 je. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Le jeu sortira sur PC, PS4. Oui, je vais y jouer. Oui. Alors, par contre, il y a eu un gros malaise. Gros, Campagne de financement. gros malaise. La campagne. Alors encore, moi, campagne de financement, j'étais en mode bon, bah d'accord. Oui, ok, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, on est dans une ère où Kickstarter. non, où l'éditeur veut pas se mouiller. Où ils sont en mode bon, Shenmue 3, d'accord, mais vu que le 2 a pas vraiment super méga bien marché, pour être réaliste, bah ce serait mieux de prendre de l'argent aux gens pour voir s'ils sont intéressés ou pas. Pour moi, y a aucun mal à ça, tu vois. Il n'y a aucun mal. À partir du moment où les personnes qui donnent Sont en plus récompensés, oui. sont récompensées et limite, on va dire, enfin, en fonction de la somme donnée, bien sûr. Ah oui, ben ça, oui, ça, En clairement. fonction de la somme donnée, par exemple, je sais pas, tu donnes, mettons que tu donnes, allez, je sais pas, 70 €. Dans ce cas, tu ne payes pas ton jeu à la sortie. Ah oui, mais voilà, mais de toute façon, oui, ça, c'est un Parce truc, que voilà. t'imagines, tu fais un don, je sais pas, même 30 balles. Ce qu'il faut, tu dois payer 70 balles à la sortie, ça te fait cher le jeu, quoi. Ouais, mais voilà, ça c'est clairement un truc qui a été fait. Si tu regardes les contreparties Kickstarter qui sont maintenant fermées, effectivement le jeu est gratuit pour les gens qui ont donné un certain nombre. Je crois que c'est à partir de 15 $ quoi que tu l'as le jeu. Je veux Ça dire, vaut le coup. what the fuck quoi. Il y a tellement peu de trucs comme ça. Et puis bah, c'est un jeu qui a tellement aussi été attendu que bah ouais. Moi ce qui m'a gêné. Ça a par contre été quelques jours après, seulement quelques jours après le 3, où Sony a annoncé que bah en fait le jeu il serait pas uniquement par Kickstarter, que eux allaient donner une partie du financement. Et que le Kickstarter c'était juste pour voir la demande. Ouais, ça fout un malaise par contre. Là par contre j'ai fait non. Là vous avez abusé les mecs. Parce que voilà, on s'est dit, c'est nous qui allons financer le jeu. Le jeu a une putain de. Enfin, le Kickstarter est actuellement à plus de 5 millions, je crois. Donc tu fais, ouais, bah quand même, quoi. Les mecs, les gens ont donné à mort. Je me souviens que Kickstarter, quelques minutes, littéralement quelques minutes, pas quelques heures, quelques minutes après l'annonce du truc, Kickstarter ne répondait plus parce qu'il y avait trop de gens qui donnaient en même temps. C'est complètement ouf. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et Sony qui derrière te sort la carotte moldave en te disant, bon bah en fait non, c'est pas vous qui allez entièrement financer le jeu parce que nous on donne une grosse partie. Là tu fais. Non quoi. Clairement non. Clairement là non, non, là c'est abusé quoi. Bah, là, le Kickstarter, on va dire, n'a plus lieu d'être. Là le Kickstarter n'a clairement plus lieu d'être. Voilà, à part, bah, comme il disait, pour mesurer la demande du jeu quoi. Ça a été uniquement pour ça. Bah Pour dans ce cas-là, ils voir. font un vote. Ils mettent un vote en ligne, j'en sais rien, moi. Bah en fait, oui, oui et non. Oui et non, parce que ça. Il y aurait pu avoir beaucoup de gens qui auraient voté et qui en fait n'auraient pas acheté le jeu. Tu vois? Donc le fait d'avoir de l'argent qui est donné avec des contreparties qui te garantissent quasiment le jeu. Bah, ça permet à Sony de se dire, ah bah oui, effectivement, il y a plein de monde qui veut le jeu puisqu'ils l'ont déjà acheté. Alors que le jeu est à peine commencé de développer, quoi. Donc c'est déjà ouf. Dans ce cas-là, Sony aurait été plus malin de ne pas le dire qu'il participait au financement. Bah en fait, ils ont parti. Je crois qu'ils ont dit qu'ils participaient au financement quand le Kickstarter était déjà fait. Enfin, fini déjà plein quoi. Oui, mais ce que je veux dire, ils n'auraient pas dû le dire du tout. Alors peut-être, oui, peut-être qu'on va dire Non, oui, parce mais. que là ça aurait fait vraiment malhonnête. Là ça aurait fait vraiment. Je suis pas d'accord parce que là ça aurait vraiment fait malhonnête. Du genre on vous demande votre argent, mais en fait on finance sans vous le dire. Là par contre j'aurais encore plus mal réagi. Parce que clairement un jeu de ce type ça demande pas 2 millions quoi. Tu peux pas faire un jeu comme Shenmue 3 avec seulement 2 millions de dollars. Enfin, c'est impossible. Tu peux pas. Ouais. Donc ça m'aurait dérangé que Sony fasse Parce que le Kickstarter était de 2 millions, c'est ça? Le Kickstarter demandait 2 millions, ouais. Et ils l'ont eu en combien de temps? En 24 heures à peine. Putain, ils ont fait plus fort que Noob. Ils ont fait largement plus fort que Noob, quoi. C'est bon, en même temps, Noob, ça reste très, très français. Il y a ça aussi, c'est très, c'est extrêmement français. Oui, mais pour un Kickstarter français, c'était quand même une... Ah, pour un Kickstarter français, c'était énorme. Mais voilà, c'était impressionnant. On va pas non plus parler de ça. Mais voilà, pour moi, ce sera un bon jeu, je pense. Mais clairement, je suis très déçu de la façon dont Sony a agi, quoi. Un bon jeu, ça sera du... Voilà, le Kickstarter en est une preuve, ça sera aussi beaucoup de fanservice. Ah bah oui, ce sera assez énormément de fanservice. Enfin, là, le Kickstarter le prouve. C'est-à-dire que les mecs... Enfin, le Kickstarter est une preuve... de fan service. Ah bah oui, le Kickstarter, mais, comme il disait, enfin. Nombreuses, parce que pour atteindre 2 millions en 24 heures, c'est qu'il y avait une forte communauté, parce que c'est pas 4 connards dans leur garage qui ont pu filer 2 millions en 24 heures, quoi. Voilà, c'est ça, même s'il y a eu des dons énormes, tu peux pas faire 2 millions en 24 heures, quoi. Tu sais, il suffit que l'un des mecs qui soit fan, ça soit le PDG d'une entreprise de. Chez une grosse start-up, ouais, le mec peut se permettre de faire un gros don. Hein. Ouais, mais voilà. Il y a des limites, quoi, quand même, tu vois. Mais voilà. Après l'annonce de Shenmue 3, Black Ops 3. Moment de gêne intense, parce que... Enfin, il faut quand même le dire, hein, soyons honnêtes. Après l'annonce de FF7, le public, donc, de journalistes était debout. Il y a une standing ovation pour le remake de FF7. Mais c'est pas la même cour, attends, t'as FF7 et t'as du Call of. Et donc derrière, ils te sortent du Call of et tu fais... Ah ouais, bah Call of, quoi. Et le public s'est calmé, genre il y a eu un gros... Tu sais, genre t'entendais les criquets d'un coup, quoi. Ça a été vraiment la douche froide, le Call of. Ça a été waouh, quoi. Ultra, ultra violent. Bon bah après, voilà, hein, c'est un Call of... J'ai rien à dire dessus. Non, voilà, on va peut-être avoir une campagne solo de qualité, un multi à la Call of, hein, je vois pas ce qu'il peut rapporter de nouveau. Voilà, mais, c'est ça, un multi à la Call of, quoi. Y a rien à dire de plus. Je suis vraiment pas fan, j'aime pas Call of. Donc, mais encore, parce que c'est Black Ops 3, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Black Ops 3. Ouais, Black Ops, ils sont quand même, à mon avis, ils sont, parce que, voilà. Les Black Ops, c'est quand même ceux qui ont le scénario de campagne le plus faible. Voilà. Donc le 3, ouais, le scénario va être sympa, mais ça va pas être transcendant, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça. Ça peut être sympa, mais ça va pas casser trois pattes à un peu, quoi. C'est ça. Bon, après, ils ont remontré, voilà, Star Wars Battlefront. Et le gros lol, Uncharted 4. Je lol pas parce que Uncharted 4, je lol parce que ce qui est arrivé à Uncharted 4, c'est-à-dire que c'était une démo jouable qui était buggée, ils ont dû la redémarrer 3 fois parce qu'elle ne marchait pas. Et ça, c'est triste. Impossible de la faire fonctionner, la manette ne fonctionnait pas. Donc ouais, ça la fout mal. Ça la fout mal quand même un peu. Mais le jeu, c'est Uncharted, quoi. Vu qu'on est dans beaucoup de jeux où on dit oui, c'est Uncharted, ça casse pas. Encore une fois, ça casse pas trois pattes à un puck. Et moi, ça m'a pas marqué. J'ai pas envie d'y jouer. Je suis pas. Je l'attends. Putain, Uncharted, quoi, tu vois. Genre... Moi, je le cache pas, moi, je l'attends énormément, celui-là. J'ai jamais, après de ce que, si je me trompe pas, hein, je peux dire des bêtises, mais il me semble que les Uncharted sont des exclus PS. Oui. J'ai pas eu de PS3. J'ai pas et j'aurai pas de PS4. Enfin, j'aurai pas. Tant que j'aurai pas un vrai boulot. Ouais. Donc du coup. Ça me hype pas tant que ça parce que. Je sais que je pourrais pas y jouer. Et que. Mais moi je sais que c'est l'un des jeux qui a motivé mon achat de. Mon investissement dans la PS4. Ouais, voilà, alors que moi, Enfin, l'un des jeux, parce que voilà, après il y en a d'autres, hein. Il y a The Witcher 3, il y en a d'autres aussi, hein. Mais c'est vrai que celui-là, je me suis dit, putain, faut pas que je passe à côté. Parce que les trois premiers sont très bons. Petite private joke que les auditeurs comprendront s'ils nous ont suivi depuis longtemps. Alors, Les moi, ils ont escaliers. parfois. Oui, les escaliers, et puis surtout, Les ils ont. escaliers, bordel de merde. Au moins, ils Les ont pas escaliers. foiré le troisième. Coucou, coucou Oui. BioWare. Non, puis ce qui est bien, c'est que le 1, le 2 et le 3 sont différents au niveau de leur moteur physique, leur gameplay, leur gameplay, oui, non, et leur graphisme. Et donc, du coup, ouais, bah, le 4, on sait pertinemment qu'il peut être que mieux. Oui, Ils oui. sont, voilà, c'est honnêtement avec. Déjà le, voilà, Naughty Dog, bon, on peut leur faire confiance parce qu'ils ont quand même pondu de très bons jeux. Hein, Totalement d'accord. on a les Crash Bandicoot qui est excellent. On a voilà les Uncharted. On a voilà, faut pas oublier, hein, The Last of Us qui est un petit bijou en soi. Je n'ai Voilà. jamais fait, hein, soyons d'accord. Mais ils sont constants, c'est-à-dire que tu joues 1, tu joues 2, tu joues 3. C'est kiffant parce que tu sens, en fait, c'est agréable parce que tu sens l'évolution, vraiment. Tu sens que les trois, c'est pas les mêmes. Tac, tac, tac, tac. Il y a eu du boulot dessus. Et donc, voilà, ils sont constants. Ils ont un travail qui est à chaque fois minutieux. Même s'il a des mots bugs. Voilà, même si, bah après, voilà, c'est les soucis du direct. Ah, les incidents techniques, ça arrive. Mais honnêtement, ouais, non, le 4, je l'attends vraiment, quoi. Parce que je. Tu Ouais, baves. vraiment. Ouais, je bave un peu. Ouais. Celui-là, il y a d'énormes chances, tout facteur économique écarté, bien sûr, mais il y a d'énormes chances que, ouais, en day one, quoi, direct. C'est ça. Bon, voilà, moi Honnêtement. j'ai pas ce réflexe parce que PS, hein, voilà, j'ai pas de PS3, pas de PS4, hein, je le dis encore une fois, mais voilà, pour moi c'est important à rappeler parce que bah oui, je peux pas être hypé par une exclue qui va sortir sur une console que j'ai pas. Voilà, Il n'y a pas c'est plus le compliqué. et voilà, et puis on va finir cette conférence Sony, on finit cette conférence Sony en fait tout court. Parce que ça fait quand même, on a quand même duré presque 1 heure. Mais je ne me rends compte qu'on n'avait pas parlé de Just Cause 3. C'était Square Enix. Oui, c'était Square, justement. Je voulais en venir Ah après à Square. Oui, c'est. Et tu vois, je viens de l'apprendre parce que bah, la conférence Square, en fait, c'est la seule que j'ai pas regardée. Parce Attends, que. Square Enix, oui, on l'a faite, oui, parce qu'on a parlé d'Hitman. Non, Non. c'est Hitman, Mais non, ben oui, non, je suis con, c'est parce que c'était. dans la conférence Sony, il y a d'autres. C'est moi. Voilà, il y a eu. Voilà, c'est pareil, FF7, ça a été annoncé aussi par Square, tu vois. Mais oui, non, mais c'est. On s'y perd au bout d'un moment, parce que comme il y a des jeux qui sont réannoncés dans d'autres conférences, c'est un Voilà, c'est peu. ça, comme il y a eu plein d'annonces différentes de plein de jeux, de machin, ma bite mon zboob, du coup, oui, on s'y perd. Je suis totalement d'accord, mais voilà, non, moi, j'ai pas eu le. Enfin, voilà, quoi. Ça a été. Pour Sony, ça a été le nerdgasme absolu pendant plusieurs heures. J'ai pas. Enfin, Les ouais. conférences Sony sont balèzes, hein, quand même, quand tu regardes. Les conférences Sony sont toujours extrêmement, extrêmement badass. Ouais, c'est un peu les patrons de la conférence, quoi. Chaque année, c'est. Voilà. Et puis sur ce, on va faire une petite pause musique quand même. Parce que Yes. ça fait presque 1 heure qu'on parle et que Of à un course. moment il va falloir qu'on ferme notre gueule. Donc on fait une petite pause musique et puis on revient avec bah, la fin des conférences de l'E3. Of Nintendo, course. Square Enix et puis le PC Gaming Show. Et oui. Voilà. Vous sentez la joie dans ma voix, mais À voilà. Donc on fait une pause musique et on revient à tout de suite. Salaud, j'avais prévu le coup, je n'ai rien mis dans ma bouche. Oh, voilà, donc ça a été enregistré, c'est beau. Donc retour de la musique. Et content de sa connerie en plus. Ah mais carrément. Retour de la pause musique, bon on va enchaîner direct avec Square. Oui. Non, c'était Nintendo d'abord. C'était Nintendo, bon. On pourrait faire Square, parce que ça irait plus vite, vu qu'il y a déjà des jeux de Square dont on a parlé avant. Ouais, c'est vrai. Bon, Square qui commence avec Just Cause 3. Alors, moi, j'ai pas vu hein, la conf Square. Bon, bah, Just Cause 3. Hein. Ça va être Y a le pied pas. démentiel. Voilà, ça va être génial. Nier 2. Ça me dit rien du tout. Ça a l'air cool, mais ça va être sur PS4, donc. Je t'avoue que ça me dit pas grand-chose non plus. Bon, voilà, Rise of the Tomb Raider, on en a parlé. C'est moi qui viens d'étouffer un petit rôle là. Je vois pas de quoi tu parles. Lara Croft Go. Bon, ça, voilà. Hein. Voilà. Lara Croft Go, c'est un peu dans le même esprit que le Temple d'Osiris et tout ça. C'est un jeu sur mobile. Voilà, c'est de la merde. C'est dingue, maintenant ils annoncent les jeux mobiles carrément le 3, c'est de la folie. Voilà. Bah, avec le Fallout Shelter, hein, je veux dire. Ah oui? Voilà. Final Fantasy VII Remake, bon, on en a déjà parlé. Kingdom Hearts 3. Alors, excuse-moi, mais putain de sa mère de ouf. Alors, tu Écoute. vois, toi, Final Fantasy, ça t'a fait genre un espèce de waouh. Ouais, bah, pareil, hein, Kingdom Hearts 3, la même, hein. Oh putain, j'ai fait ouais, ça c'est bon ça. Kingdom Hearts 3, la même, hein, depuis le temps qu'on l'attendait. Il y avait eu des blagues justement là-dessus, avec des mecs qui disaient: Ah, ouais, ils vont présenter Kingdom Hearts et Final Fantasy Remake à l'E3. Ah, tu sais, genre, ouais, ça arrivera jamais quoi. Puis là, d'un coup, Kingdom Hearts 3, Final Fantasy Remake. Et tous les mecs qui blaguaient là-dessus, ils ont dû faire genre: Ah, tu sais, genre, t'es pas sûr de ce que tu dois en penser en fait. T'es pas sûr de est-ce que j'ai fait une bonne blague ou est-ce que j'ai agi comme un con? Ou est-ce que j'ai des pouvoirs de prédication, je ne sais pas. Ou est-ce que je suis un comment? Prédicateur. J'ai pas envie de dire prédicateur, mais Médium, voyant. un médium, Devin. voilà. Médium, c'est très bien. Parce que vraiment, bah oui, pour le coup, Kingdom Hearts 3 est. Kingdom Hearts 3 et Final Fantasy VII Remake, quoi. Enfin, merde. Merde, quoi. Là, Square Enix, honnêtement, Square Enix, ça fait un posage de couilles, mais tellement Square monstrueux. Enix, ça fait un posage de couilles monstrueux. On est totalement d'accord. Hein. Là, il n'y a plus de table, il n'y a plus de scène, il n'y a plus rien. Ils ont tout pété. Hein. Ah ouais. Bon, après, bon, World of Final Fantasy. Voilà. Voilà, hein, la gêne. La micro-gêne. Bah, micro, non, mais la gêne, quoi, quand même. Juste parce que, ouais, non, World of Final Fantasy, ça a l'air d'être. Ah, je suis pas jeu mobile. J'ai pas. Mon smartphone ne me permet pas de jouer à des jeux, et puis ça m'intéresse pas non plus, hein, soyons honnêtes. Et ouais, non, passer ça juste après Kingdom Hearts 3, tu fais. Non. Non. Non, quoi. Non. Erreur de com. C'est. Limite, il l'aurait passé. Il l'aurait encore une fois passé juste avant FF7. Bon, pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est leur jeu, il faut qu'ils le vendent. Hein. Mais juste après Kingdom Hearts 3 et FF7 Remake. Mauvais mouvement, clairement très. Voilà, bad move. Clairement Bah, bad move, quoi. parce que le jeu. Mais le jeu, hein, on s'entend bien, sur smartphone, c'est tout neuf. Oui. Donc, comment l'annoncer? Comment c'est un marché qui est grandissant. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une volonté de conquérir le truc. Mais maintenant, voilà, c'est des maladresses au niveau de la com. C'est-à-dire que comme c'est tout nouveau. Bah, ils savent pas encore trop comment le gérer, ouais. Donc Mais après, je pense que ouais, non, c'est un, enfin, c'est comme le merde, le code passé juste après FF7, tu vois. erreur de Clairement, com. c'est erreur de com. Et pourtant, ça, ils le savaient parce qu'ils savent à quel point les gens aiment FF7. Enfin, je veux dire, depuis le temps que les gens demandent un remake HD, véritable remake HD, hein, pas juste un portage des graphismes de FF7, ils savaient la hype que ça allait faire. Ils savaient clairement le bordel que ça allait faire, quoi. Et je comprends pas pourquoi ils ont passé un code juste après, tu vois. C'est genre, on vous a donné ce que vous vouliez, maintenant foutez-nous la paix, tu vois. Bah, parce qu'ils voulaient, maladroitement, enfin de façon maladroite, ouais, balancer le truc, quoi. Genre lancer le dos, genre bim, toi, prends ça ma gueule. Ouais, mais voilà, code, non, quoi. Mais du coup, en fait, c'est que, au lieu de faire les annonces mineures en début, et de faire les majeurs à la fin, ils ont tout mis vers le début. Parce que le problème, c'est qu'ils mettent tous les gros trucs au début pour vraiment dire waouh, toi. Bah, pour poser ses couilles, en fait, hein, clairement. Sauf qu'en gardant les mineurs, bah, forcément, il n'y a plus personne qui suit. Ouais, parce que ça y est, quoi, l'émotion est passée, le reste, on s'en bat la race. Excusez-moi du peu, mais. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, hein. On s'en bat la race carrément, quoi. Il y a 50 milliards de pourcents de gens qui s'en battent la race de ton code et de ton World of Final Fantasy, quoi. Donc, après voilà, bah, c'est comme ça, hein, c'est dommage, mais c'est normal qu'ils annoncent leur jeu, c'est normal quel qu'il soit, que ce soit un truc dont tout le monde s'en fout, mais il y a une intelligence, tout le monde s'en fout, voilà. Je suis d'accord, hein, code, tout le monde s'en fout, c'est normal. Non, après tout le monde s'en fout pas, parce que ça ils font quand même des ventes records, quoi, chez Activision. Ouais. Oui, voilà, mais c'est pas non plus. Ah, encore une fois, hein, j'aurais utilisé mon expression, mais ça casse pas trois pattes à un puck. Bah heureusement, parce que sinon ça ferait longtemps que je serais en fauteuil. Ah oui, ça ferait longtemps que tu serais. Je pense que ça ferait même très longtemps que tu serais mort, en fait. Hein, mais, ouais. On ne peut casser qu'un certain nombre de pattes à un canard avant qu'il décède. Ce qui est probablement pourquoi ils essayent pas, en fait, ils veulent pas tuer de canards. C'est genre, non, mais on veut être gentil avec les canards, on va pas leur casser trois pattes. Voilà, c'était la blague de merde du soir, vous pouvez me frapper. Mon PC est en train de rendre l'âme. Est-ce que tu m'entends, toi, Puck? D'accord. Question que j'ai entendu là. Voilà, je vais faire un petit montage. Voilà, vous m'excuserez. Putain, ah, ça y est, je te rentends. Oui, mon PC a complètement planté, en fait. T'inquiète, j'ai meublé. Du moins, je crois que c'est le dernier. Au niveau du gameplay, du scénario, oui. Mais alors, je veux bien admettre qu'un jeu soit moche. Il n'y a pas de souci. Mais là, il n'y avait même pas d'effort de fait, en fait. Ouais, mais. À côté de ça, il était très très bon, quoi. Il était très très bon. Ce que je veux dire, c'est que là, leur bordel, ils vont le prendre sur Next Gen. Oui. Donc, allez, partons du fait qu'on, voilà, qu'il y a effectivement le jeu va être bon, que le gameplay va être au vu de ce que voilà du précédent, il va être bien. Au niveau histoire, au niveau gameplay, il n'y a pas de souci. Si on se rattrape encore des graphismes, sans que ce soit non plus spectaculaire, mais dégueulasse comme ils étaient. Où tu sens qu'il n'y a pas eu de boulot dessus, non, quoi, les mecs. Non. Ouais. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu Fallout, The Elder Scrolls, on veut bien passer sur le fait que c'est travaillé, c'est pas le best, mais il y a du boulot. C'est ça. Après, voilà, il y a des gens qui mettent plus en graphisme. Qu'en histoire, et eux ont l'air de mettre plus en histoire qu'en graphisme. Pour moi, ça me dérange pas des masses, quoi. Bah, le souci étant que Fallout et The Elder Scrolls, c'est des beaux univers. Donc, c'est beau juste assez pour que l'univers soit mis en avant. Pour que l'ambiance, le tour soit mis en avant. Deus Ex, c'est du cyberpunk. C'est très, très, très. Le cyberpunk, c'est quand même vachement intéressant à voir. Donc que tu mettes pas le paquet, ok, mais que tu fasses un effort pour que quand même tu prennes plaisir à découvrir, à redécouvrir ou à découvrir cet univers-là. Parce que c'est pas parce que c'est du cyberpunk ou c'est autre chose ou c'est que machin et que truc que ça mérite d'être moins beau qu'un autre. Oui. C'est un univers qui mérite d'être visuellement intéressant. Donc voilà, donc le prochain, il n'y a pas de demande que ça soit. Voilà, si visuellement ils font un truc magnifique, bah, ça ne pourra être qu'un gros plus sur ce qu'il y aura autour. Maintenant, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'ils ne nous fassent pas comme le précédent, quoi, qu'ils nous fassent quelque chose de suffisamment beau pour qu'on puisse s'intéresser à l'univers. Bah moi ça me dérange pas, l'univers me parle, mais ça c'est le joueur de JDR, hein, encore une fois, Oui. qui parle le fait que oui, bah oui, c'est... Ouais. Non, pour moi ça me parle par l'histoire et par le gameplay. Après c'est vrai que quand tu regardes les graphismes, c'est pas top, mais ça m'a jamais dérangé quoi, Ah enfin... non, mais, non, de toute façon, moi, enfin, je l'avais, je crois que j'ai pas entièrement fini, j'ai presque dû le finir. Voilà, j'ai pris plaisir à jouer. C'est juste que j'étais un peu remonté en me disant, bah merde, quoi, pour la date de sortie, par respect pour ce qu'il y a autour, ça aurait pu faire un effort, quoi. Ça oui. Parce que franchement, il y a des moments, enfin, honnêtement, visuellement, ça passe limite, quoi. Tu dis non, quoi. Voilà. Et ils ont fini par un nouveau, alors l'annonce en fait d'un nouveau studio qui s'appellera Tokyo RPG Factory. C'est bizarre, les RPG faits par des Japonais. Allez donc. Ah, et fait par Square Enix, c'est très étrange, on s'en serait jamais Et douté. donc, ça fait même pas le cliché, hein. Et donc avec un jeu qui n'a pas de nom pour l'instant, qui s'appelle Project Setsuna. On dirait le nom d'une geisha. Qui a l'air pas trop mal, bah, c'est un RPG, hein. Moi je suis... I'm a sucker for RPGs. Voilà, je prends les RPG, n'importe quel RPG qui sort, moi je le prends, je le retourne, quoi, tu vois. Il y en a beaucoup comme ça, et celui-là, bah écoute, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, ça peut être pas mal, et encore une fois, pourquoi pas. Et en Voilà, parlant de RPG, oui, mini parenthèse, je pense que celui qui pourra te faire, là, t'as tellement une grosse réaction, tu vois, parce que de briser le manche, honnêtement, c'est le 3 où sera annoncé Cyberpunk 2000. 2077, oui, mais ça, je Oui. l'attends. Ça, je l'attends parce qu'il nous avait promis d'en parler après la sortie de Witcher 3. Parce qu'en plus, il y a un petit moment, ils avaient lâché, enfin, un petit moment, ouais, quand même, Ça fait quelques années, hein. ils avaient lâché un petit teaser quand même. Ils avaient lâché un teaser qui avait l'air génial. Et là, ils nous ont dit, bah oui, non, mais après, à la sortie, une fois que Witcher 3 est sorti, on vous en parle, promis. Witcher 3 est sorti depuis plusieurs mois déjà et il n'y a toujours rien. Oui, mais n'oublions pas, c'est CD Projekt Red. Donc on Oui, fait l'impasse. c'est C'est-à-dire vrai. que c'est pas parce qu'ils nous en parlent pas qu'ils nous prennent pour des cons, c'est qu'à mon ami, à mon avis, ils ont le sens des priorités. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, ils sont concentrés sur The Witcher. C'est-à-dire qu'ils patchent, tu vois qu'il y a des patchs réguliers pour vraiment. Ils bossent dessus pour arriver à, on va dire, à un rendu final. Bah, pour continuer à, comment dire, à améliorer l'expérience, en prenant en compte tout ce qu'il leur est dit. Et il y a les DLC, où ils bossent aussi dessus. Donc je Oui. trouverais ça vachement plus foutage de gueule de leur part de balancer The Witcher 3 et hop, là, nous parler déjà du travail sur Cyberpunk. Bah au moins donner savoir parce que là la question qui reste c'est est-ce qu'ils travaillent toujours dessus? C'est est-ce qu'ils ont pas abandonné le jeu depuis quoi? Et ça pour moi c'est la plus grosse question, c'est est-ce qu'ils ont pas abandonné le jeu? Et Ouais. comme ils disent pas on continue à travailler dessus, même juste, je sais pas les gars, continuez, dites-nous, on continue à travailler dessus. Ça suffit. Pour honnêtement, s'il annonce, parce que logiquement, The Witcher, le plein potentiel du jeu est atteint en décembre. Parce Oui. qu'ils ont relâché les DLC, tout ça, et normalement, ils vont pas continuer à le patcher comme ça pour faire des améliorations jusqu'à Mathusalem. Moi, pour moi, l'annonce va se faire courant début 2016. Fin 2015, début 2016. Au moment où, vraiment, parce que ce studio-là n'a jamais annoncé un truc sur lequel il ne travaillait pas. Ou sur Oui. lequel il n'était pas déjà en train de plancher activement. The Witcher, ils l'ont annoncé, ils avaient déjà commencé à taffer dessus. Oui. Et voilà, Je après, pense on verra que bien. Cyberpunk, quand ils l'ont annoncé, ils se sont fait une frayeur parce que c'était une idée. Ils ont commencé à plancher dessus. On va dire peut-être que voilà, c'était des discussions de table et quelques petits travaux de codage. Mais à mon avis, c'était déjà sur The Witcher 3 et ils se sont dit, les mecs, on s'égare, il faut qu'on se recentre. Donc maintenant, voilà. Après, moi, je sais que celui-là sera honnête. C'est-à-dire que soit ils viendront nous voir en nous disant, oui, on bosse dessus, oui, ça va arriver. On ne sait pas quand parce qu'on veut faire le truc au mieux. Dans ce cas-là, moi, je prends, il n'y a pas de problème, je prends comme tel. Soit ils viendront nous dire, disent, bah, voilà, on vous a annoncé ça, mais malheureusement, je sais pas, on n'a pas le budget, on n'a pas les moyens, on n'a pas, tu vois, on n'a pas le temps, on a autre chose de, voilà, de plus logique peut-être à faire. Et du coup, soit ils vont nous dire, bah, c'est annulé, soit, bah, écoutez, c'est mis quelque part, et peut-être que ça ressortira un jour. Voilà. Mais c'est pas le studio, tu vois, ils vont pas nous faire, eux, ils nous feront pas de carotte moldave, c'est pas possible. Dans ce Voilà, cas-là, s'ils nous font une carotte moldave, tout ce à quoi je croyais n'aura plus raison d'être. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va être. Et vive le chien qui gueule de ton côté. Ouais, non, mais il y a toujours des chiens qui font chier dans mon quartier. Et oui, non, bah c'était tout pour. C'était tout pour Square. Sparling. Donc on va passer à Nintendo. Nintendo qui pour moi était la deuxième conf la plus décevante de cette E3. Ben déjà, au début, ils partaient sur l'idée de ne pas faire de conférence du tout. Mais ils ont pas fait de conférence en fait, techniquement. C'était un Nintendo Direct, mais à l'E3. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, ils sont partis vraiment attendre le 3 et passer le 3, faire leur truc à eux, quoi. Ouais, bah ouais. Moi j'ai Et au trouvé final, ça. ils ont fait leur truc à eux, mais enfin, ouais, non, quoi. C'était, enfin, c'était, putain, je me suis demandé ce qu'ils avaient pris, quoi. Je riais du ridicule que c'était. Mais de toute façon, Nintendo, chaque année, il y a. C'est. Tu. Merde. Chaque année, Nintendo, merde. Et c'est juste, enfin, ok, d'accord. Le Star Fox Zero était très sympa. Je suis pas fan de la licence. Oui. Je suis pas fan de la licence, mais c'est quand même une grosse licence. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas au niveau des annonces qui sont décevantes, parce que même si c'est souvent. Enfin, il reste Nintendo. Par contre, c'est juste la façon d'amener les choses. Putain. Oui, bah oui, non mais. Merde, Mais même quoi. la plupart des jeux annoncés sont pas. Ça cassait pas, enfin ouais, ça cassait pas trois pattes à un canard. Le Star Fox Zero était sympa. Je vais faire juste un rapide résumé, on en parlera après. Zelda Triforce Heroes, mais personne en a rien à foutre, quoi. Personne en a rien à foutre de leur nouveau Zelda sur DS. Hyrule Warriors Legends sur 3DS, pareil, rien à foutre. Le Metroid Prime, mais. Oh! Le Metroid Prime, ça a tellement été. Tout le monde s'en. Mais s'en foutait, quoi. Après, bah, ils ont enchaîné avec Fire Emblem. Rien à foutre. Xenoblade Chronicles X. Pas plus que ça à foutre. Mario et Luigi Paper Jam. Donc une sorte de Paper Mario retourné. Ouais, bon, ok. Puis là, ils t'annoncent un Mario Tennis sur Wii U. Tu fais, mais attends, quoi? Et ils finissent avec le Super Mario Maker. Le Super Mario Maker, ils ont aussi parlé du nouveau Yoshi, du nouveau Yoshi's Island, qui était en espèce de fil, Boule de laine. en boule de laine, qui est déjà sorti en fait, je crois. Je crois qu'il n'était même pas juste annoncé, il était déjà sorti. Oui, non, mais Nintendo, des fois, ils t'annoncent des trucs qu'ils ont déjà sortis. Et t'as envie de dire, mais putain, les mecs, mais non, quoi. Non. Et Mais non, après, enfin. c'est pas des mauvaises annonces. C'est-à-dire que Nintendo, voilà, Zelda, Mario, Zelda, Mario, Zelda, Mario. Hop, renaissance d'une vieille licence, Zelda, Mario, Zelda. Hop, renaissance d'une vieille licence, Zelda. Voilà, et C'est puis non, mais ça. surtout le pire, c'est que, ok, Zelda, Mario, pourquoi pas, le Mario Maker. Et une nouveauté par an. Le Mario Maker est super cool parce que bah, Mario Maker et que voilà ça va être super dans le sens où on va C'est enfin génial. La conférence Nintendo, elle est géniale pour les fans Nintendo de la première heure. mais Et même pour. pas sincèrement même pas parce que encore une fois je l'ai regardé avec Flo donc ton deuxième papa Même lui, qui est un fanboy Nintendo, était déçu. Ouais. Il a passé son temps à se demander c'est quoi ce bordel. Même lui, il n'en avait rien à foutre. Enfin, je veux dire, ils sont sacrément cons d'avoir annoncé les Zelda, le Zelda qu'ils ont annoncé, le Triforce Heroes. Les mecs, on sait qu'il y a un Zelda qui est prévu sur Wii U. Montrez-nous des images de ça à la place, quoi. Ah oui, celui-là, ils en ont parlé une fois, mais après, plus de nouvelles. Hein. Silence radio. Ils en ont parlé une fois et ils en ont plus reparlé depuis parce que... Ah, mais il est pas prêt, on veut pas vous montrer des images avant qu'il soit prêt. Mais on s'en fout, montrez-nous des images, des graphismes, montrez-nous... Mais montrez-nous Link. On s'en branle. On s'en branle que vous ne montriez pas du gameplay et tout. On veut voir ce jeu, putain. On veut voir l'univers dans lequel ça va se dérouler. On veut voir... Voilà, est-ce que ce sera un univers à la Waterworld comme Wind Waker? Est-ce que ce sera un univers sombre comme Twilight Princess? Ou est-ce que vous retournerez aux sources avec Ocarina of Time et Majora's Mask? Un truc simple, quoi, faites, montrez-nous quelque chose. C'est... Ils sont maladroits. Nintendo, c'est des maladroits. Ça veut dire qu'ils veulent tellement se démarquer des autres en disant oui... Il y a Ubisoft, il y a machin, il y a truc, il y a Sony et Microsoft, mais nous, on est Nintendo. Et Nintendo sont tout à fait respectables parce que c'est un peu des précurseurs dans le domaine, quoi. Le problème étant que ils veulent tellement être en marge que tu les suis plus, en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux plus. C'est-à-dire, au lieu d'attendre avec Apple direct, les annonces, machin, c'est con parce que peut-être qu'ils annoncent des bons trucs, mais ils sont tellement dans leur monde, ils partent tellement en je sais pas trop quoi. Que même les fans de la première heure, même les fanboys, même ceux qui voilà qui aiment bien, t'en as marre, c'est à dire que tu vois bien qu'ils ont toujours roulé sur les mêmes licences, les Zelda, les Mario, les machins, les trucs, ça a toujours fonctionné. Là, ça plonge parce que Nintendo gonfle par leur prise de parti de c'est pas on emmerde les autres, quoi, mais nous on est nous, eux c'est eux, quoi. Voilà, c'est ça, c'est nous on est nous, on fait ce qu'on fait. Oui, ben non, les gars, quand tu regardes les autres studios, ils sont en... Ouais, il y a une dualité, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même, ils cherchent quand même à vendre leur truc, à vivre de leur truc et peut-être à faire mieux que l'autre, mais ça les empêche pas d'être courtois entre eux, quoi. Voilà. Bon, même si des fois ils se vannent. Ouais, mais ils se vannent parce que voilà, ça rajoute de la sympathie, c'est-à-dire que l'un qui va vanner l'autre, ben ça te fait marrer. Voilà. Et Nintendo, ils viennent qui dans tout ça? Ils viennent personne. Non, et puis donc... Nintendo, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils font. J'adore les jeux Pokémon. J'adore beaucoup de jeux Mario, les Zelda, trucs comme ça. Mais actuellement, il serait temps qu'ils reviennent dans le monde réel, en fait. Parce que je comprends qu'ils soient devenus tellement gros. C'est vrai que Nintendo, ça a quand même été... c'est actuellement, à l'heure où des consoles sortent et tout, c'est les plus vieux acteurs sur le marché quand même. Puisqu'ils sont là depuis la NES. Et c'est respectable, on leur doit le respect pour ça. Ce qui est extrêmement respectable. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont meilleurs que les autres. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est ça, c'est pas... Il y a ce côté aussi... Nous on est meilleurs, nous on est Nintendo, on n'a pas besoin des autres pour vivre. Mais c'est ça. Et le truc c'est que, ok, le concept de la Wii, de la Wii U, c'était très très bien, c'était parfait. Sur papier c'est génial. Mais encore, la Wii U c'est quoi? C'est une Wii où t'as rajouté une télécommande en forme de... Ouais, mais il y a le gamepad. Oui, mais après voilà, quand c'est bien utilisé... Comme par exemple sur le Star Fox où le gamepad affichera le cockpit. Ouais, mais t'auras moyen de faire des trucs avec. Ça peut être super intéressant. La Wii, quand elle est sortie, ça fait un carton parce que tout le monde a compris. Oui. Bah, en fait. Ils ont sorti la Wii U, même ceux qui avaient la Wii, qui aimaient Nintendo, s'est dit mais merde, pourquoi? Qu'est-ce? Pourquoi? En fait, c'est pas ça, c'est qu'ils ont perdu. Nintendo s'adresse à un public qui est très jeune. Et j'ai l'impression qu'ils ont perdu les gens avec la Wii U. Ils auraient dû l'appeler autrement. Parce que tu... Ça fait trop marketing. Non, c'est pas que ça fait trop marketing, c'est que Nintendo, c'est comme je disais, c'est ça s'adresse aux jeunes. Qui c'est qui va acheter les trucs? Ça va pas être les jeunes en eux-mêmes. Non, un gamin de 10 ans qui veut sa console, il va dire maman, je veux la Wii U. Bah écoute, oui, mais maman, est-ce qu'elle s'y connaît en console? Maman, elle va demander une Wii U. Qu'est-ce que pour elle, ça va changer de la Wii qu'elle a dans le salon? Parce que ça reste quand même cher. Tu l'appelles, il l'aurait appelé le Project. Ça restait quand même cher. Ça restait quand même cher, mais il l'aurait appelé le projet tablette. Par exemple, il l'aurait appelé la tablette. Je dis un nom à la con comme ça, mais il l'aurait appelé la tablette. Bah effectivement, tu vas dire bah bonjour dans un magasin, tu dis le gamin qui dit bah je veux une tablette. Bah oui, bah écoute, les parents ils vont au magasin, ils disent on veut une tablette. C'est là que Nintendo chie pour moi, c'est sur leur nom et les 50 millions de consoles qui sortent par an. Tu regardes le nombre de 3DS qu'il y a. Il y a la 3DS, la 3DS XL, la New 3DS, la New 3DS XL, la 2DS, la 2DS XL. La grand-mère dont le gamin, le petit-fils, va lui demander « Mamie, je veux une 2DS. » Elle va aller au magasin. Elle va dire « Je voudrais une DS. » Ah, le mec qui est en face, il va lui dire « Bah attendez, oui, vous êtes gentil, mais vous voulez quoi? La 3DS, la 3DS XL, la New, la 2DS, là ?» Mais ça, je dis oui. Et ça perd le public. Je dis oui parce que J'ai bossé au pôle culturel. Oui, oui. Mais les gens, quand ils venaient me voir, déjà, la plupart du temps, c'était des parents ou des grands-parents. Et ils venaient me demander une DS. Et à ce moment-là, toi, tu fais, ouais, mais laquelle? Donc après, moi, je suis pas con, je vendais les plus chers. Bah oui, non, mais voilà. Mais il suffit que le gamin, il demande une 2DS. Je vendais les plus chers, mais. Enfin, moralement, j'essaie de me. Parce que les gens, donc. La DS, donc voilà, on avait la DS, la DS XL. Mmh. La DS Lite aussi, je peux. Oui, il y avait la Lite aussi, il y avait la XL et la Lite. Moi j'ai dit, voilà, comme c'était la plupart du temps pour des jeunes enfants, je leur ai dit, voilà, je suis outre le prix effectivement qui sera plus cher, j'ai toujours conseillé que ce soit pour la DS ou la 3DS de prendre celle avec un écran plus large. Mmh. Parce que j'ai dit, voilà, je fais déjà la 3D en soi, si le gamin l'utilise, ça va lui péter les yeux. Mais en plus. Enfin, les DS de base ont un écran ridicule. Ah oui, on est totalement d'accord. Donc, tu te flingues les yeux dessus, quoi. C'est que ça soit la DS ou la 3DS, enfin, la 3DS encore pire, mais tu te flingues les yeux dessus. Donc, voilà, moi, et forcément, XL, c'est plus cher, mais je conseillais forcément XL parce que, voilà, mon rattrapage moral, je me disais, bah, au moins, le gamin, il va pas se flinguer les yeux dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, après, en tant que. Enfin, les parents comprennent pas, les enfants. Bah oui, quand tu sors. Enfin, moi, je suis dégoûté de voir que. Il y a la 3DS, la 3DS XL, et que malgré tout, ils sortent les nouveaux jeux de Pokémon sur New 3DS. Donc tu vends déjà ta couille pour acheter une 3DS, parce que ça coûte cher, ces saloperies. Oui. Tu vends ta couille pour acheter une 3DS. 3 mois après, ils disent, bah, on sort la XL. Alors toi, t'es là avec ta petite 3DS, tu fais, putain, je vais devoir vendre un bras pour acheter la 3DS XL, parce que bah, ma 3DS, là, l'écran est trop petit. T'as 3DS XL, t'as vendu une couille, t'as vendu un bras, et à ce moment-là, ils disent, eh ben écoutez, on sort une nouvelle console, ça s'appelle la New 3DS, qu'est-ce qui change? Littéralement, hein, qu'est-ce qui change dans la New 3DS? C'est un nouveau processeur, point barre. Le fait que tu puisses personnaliser ta console avec des coques. Waouh. Les amiibo, les amiibo, machin, truc là. Les amiibo, voilà, tout ça, c'est super important. Mais sais-tu qui applique le même raisonnement en marketing? Vas-y, dis. Bah forcément. Apple. Ah oui, mais voilà. Ah, tu peux pas t'empêcher de faire un comparatif sur les consoles portables, tout du moins, et les iPhones. C'est-à-dire qu'ils te sortent un truc, t'as vendu des organes au black pour pouvoir te l'acheter, et derrière, hop, ils te réannoncent. C'est triste de se dire, de faire un comparatif. Tu te dis, mais tu prends le recul, tu fais, putain, mais en fait, les consoles portables chez enfin, en tout cas, à partir de la DS, hein. La DS, c'est un marketing de merde. Oui, mais je suis pas totalement d'accord avec ton analogie parce que Apple, ils sortent beaucoup d'iPhone, mais ils sortent pas des trucs qui vont, par exemple, être exclusifs à l'iPhone 6. Tu vois? Alors. Alors que, par exemple, Nintendo. Ça va commencer. Je te le dis parce que je sais que j'ai un iPhone 5, 5S. Ouais, forcément, il y a des apps qui passent pas dessus. Ah bah là, de toute façon, jusqu'au 4, jusqu'au 4S, faut plus acheter un iPhone parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dessus. Là, moi, j'arrive sur la fin. 5S, c'est la fin. Parce que je vais avoir le droit à la dernière mise à jour, au dernier truc. Sauf que là, il y a le 6, il y a le 7 qui sort en septembre. Alors que le 6, ça fait très peu de temps qu'il est sorti, on est d'accord. Ça fait même pas un an. Hein. Ouais, ouais. Le 6, ça doit faire un an, c'est à peu près. Ouais, je sais pas, moi, je... Même pas. Voilà. Et... Voilà, ils t'annoncent déjà les meilleures applis, les machins, les trucs. Et tu le sens, parce qu'ils t'ont fait la blague avec, tout le... enfin, avec le 3 et le 4. Tu sens que le 5... D'ici un an, il va être mis hors jeu. Sauf que quand t'as pas les moyens, ou quand tu n'as pas les secrets, parce que t'as certains, ils ont pas les moyens, mais ils ont le secret de réussir à choper les derniers, bah, tu t'achèteras toujours la gamme avant. Sauf que ça, ça sort tellement vite que tu te prends, un modèle. Et je parle en modèle parce que comme ça, on peut clarifier sur. Faire comparatif sur Nintendo. Tu prends un modèle et il t'annonce la sortie du prochain juste après. Et tu sais pertinemment qu'il y a un modèle qui va arriver à la fin, en fin de vie. Enfin, on s'occupera plus de lui au bout d'un moment, quoi. Regarde, voilà, les Death Lite. Combien de jeux qui sortent là maintenant sont compatibles avec la DS ou DS Lite? Bah oui, mais là, justement, moi, c'est ce que je te dis, c'est que Apple, ils sortent un téléphone et les apps qui vont sortir maintenant sur les téléphones vont quand même être compatibles avec les anciens, même si beaucoup moins, mais ça va quand même l'être. Moi, par exemple, mon téléphone, j'avais donné la marque, il a 3 ans. Je peux encore installer des apps récentes dessus. Tu vois ? Ce que je dis, c'est que Nintendo, ils vont te sortir une, ils vont te sortir la New 3DS, qui, à part un processeur, ne change rien de la 3DS normale. Ils vont te sortir les nouveaux jeux Pokémon uniquement sur New 3DS. C'est-à-dire que si t'as pas la New 3DS, si t'as juste la 3DS classique, tu vas pas pouvoir jouer au nouveau Pokémon. Un fanboy Nintendo qui veut jouer au nouveau Pokémon, ou juste un gamin qui a envie de jouer, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va être obligé d'acheter, il va être obligé de tanner ses parents pour acheter une New 3DS. Et donc à ce moment-là, bah, il va avoir vendu une couille, il va avoir vendu un bras, bah, qu'est-ce qu'il a? Il va vendre l'autre couille, quoi, pour acheter une New 3DS. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il va vendre son gosse. Le père à la fin, il va vendre son gosse, quoi. Il va se retrouver avec une console pour enfants et plus d'enfants. Et voilà, il y a le. Comment il y a le. Le blablabla, je réfléchis. Maintenant, il prévoit la Nintendo NX qui devrait sortir d'ici l'année prochaine ou deux ans. Ils ont même prévu le smartphone Nintendo. Voilà, c'est dingue, quoi. Je vois que le temps avance, donc on va quand même repartir sur les jeux rapidement. Ouais. T'as regardé la conf Nintendo? Non, mais j'ai des images en tête là, grâce à toi. Bah, on va rapidement en parler. Triforce Heroes, comme je disais, personne n'en a rien à foutre. C'est pas une sorte de Battle Royale? C'est une sorte de Battle Royale, mais coop. A Link Between Worlds, mais jouable à 4. Et en fait, le truc, c'est que ce sera pas jouable seul, parce qu'il y a des énigmes qui vont se résoudre forcément à 4. L'art de tuer son jeu. Voilà. ensuite, bah, ils ont annoncé le Hyrule Warriors Legends, qui est le portage de Hyrule Warriors sur 3DS, donc rien à foutre. Le nouveau Metroid Prime. Je vais même pas en parler. C'est Metroid, c'est sympa. Voilà. C'est au point qu'il y a des pétitions de fans pour que ce jeu soit annulé. À ce point-là? À ce point-là. Ah oui, merde. Il n'a rien à voir avec ses prédécesseurs et voilà, j'ai même pas envie d'en parler. Fire Emblem, alors j'ai pas joué au Fire Emblem assez pour savoir. Xenoblade, pareil, jamais joué. Mario Luigi Paper Jam, bah voilà, quoi, c'est un Paper Mario, ça va être. Il me semble. Oui, je parle la bouche pleine et j'en ai rien à foutre. Il me semble que Luigi Mario, la Paper Jam, ça va être un mélange. Ça va être la rencontre entre Paper Mario et le fameux, je sais pas si t'as joué au RPG Luigi et Mario sur console, oui. Portable. Bah, c'est une rencontre des deux, en fait. Ouais, mais bon, voilà, quoi. C'est parce que ça, il me semble que je l'ai vu. Et si je dis pas de conneries, c'est ça. Mais ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Donc allez vérifier, soyez des grands garçons et des grandes filles. Soyez des grands garçons, parce que moi j'en peux plus. Hein, je suis au bout de ma vie avec ce truc. Le Mario Tennis. Il y en a déjà eu un de Mario Tennis, c'était pas fameux. Le Mario Tennis sur GameCube était pas fameux. Donc sur Wii U, bof, quoi. C'est, en fait, c'est ça, ils font des trucs pour la famille. Et à part le vrai seul qui m'a vraiment marqué et qui malheureusement avait déjà été annoncé bien avant, c'est le Super Mario Maker. Et c'est juste parce que, en fait, Du fan service. bah c'est pas, en fait, c'est même pas du fan service. Et c'est là que c'est horrible. C'est là que Nintendo sont des vraies putes. Parce que voilà, quand on sait que certains youtubeurs et trucs comme ça se font flag pour mettre des vidéos de jeux Nintendo. C'est juste du jeu quoi, y a rien. T'as juste du jeu. Et les mecs font takedown les vidéos. C'est très cadré Nintendo niveau vidéo et tout. Niveau jeu aussi. C'est-à-dire que pour ceux qui savent, il y a quelques mois, il y avait un remake de Super Mario 64 en HD qui était sorti. Il y avait juste genre 2-3 niveaux quoi. Et ben les mecs l'ont fait takedown. Les mecs l'ont fait enlever. Juste parce que c'est Zelda, c'est Mario, c'est à nous, vous y touchez pas. Alors qu'ils ont jamais eu l'intention de faire un remake HD de Super Mario 64. Et que ça aurait pu pousser les gens à acheter. Ils auraient pu, genre, je sais pas, laisser le développeur faire son truc. En lui disant, bah écoute, c'est notre licence, donc on va prendre les revenus. Tu fais vendre ton jeu, on prend les revenus. Non, parce que t'as l'impression qu'ils acceptent ni coup médiatique, ni hommage. Voilà. Et le Super Mario Maker, en fait, c'est un pied de nez à tous les gens qui font des ROM hack de Mario. Je pense à Kaizo Mario, qui est un comment on appelle ça, un ROM hack de Super Mario Bros, qui est devenu ultra connu par sa difficulté. C'est extrêmement difficile. Et c'est un pied de nez à ça, quoi. C'est un pied de nez à Kaizo Mario et à tous ces ROM hacks et tous ces mods et tous ces trucs comme ça de Mario. En mode, ben voilà, avant vous faisiez ça. Maintenant, ils vont pouvoir le faire, pardon, officiellement sur la Wii U. Donc, vous allez vous faire foutre. On sait que les mecs, ils vont pas télécharger un jeu pour y jouer sur leur Wii sans savoir ce qu'il y a dedans, alors qu'ils pourront créer leur propre niveau sur Wii U. Et je trouve ça terrible de la part de Nintendo. C'est encore une fois, comment ça s'appelle? Bah ouais, ils sont dans leur monde. C'est à eux. C'est extrêmement égoïste de leur part. Et C'est puis, autistique. voilà, c'est autistique. C'est clairement Nintendo est dans un mode autiste. Et on va finir avec la pire conférence de l'E3. Le PC Gaming Show. Tout le monde s'attendait. Parce que tu parles de PC Gaming Show. Ah, PC, tu te dis ouais, PC quoi. PC, tu te dis Half-Life 3, Portal 3. Un des deux. Peu importe lequel. Mais il faut qu'il y en ait un. Eh bien, non, on vous a montré le nouveau modèle de Windows, Windows 10. Ben non, parce que c'était pas Microsoft qui faisait ça. C'était AMD. Donc le fabricant de cartes graphiques. Je vais le dire maintenant, parce que comme ça vous comprendrez par la suite. AMD avait déjà fait une conférence quelques heures avant, donc qui n'avait pas été retransmise en live, mais c'était une conférence matérielle, donc ils présentaient leurs cartes graphiques. Le fait qu'elles étaient trop de la balle. Les cartes graphiques et les processeurs, bon, ok, d'accord. C'était chiant à voir. Je regardais rapidement moi tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai là. Voilà, hein, je vais en parler rapidement, mais bah, ils ont annoncé la prochaine extension de StarCraft 2. Voilà, en disant que il y aura un prologue gratuit avec 3 missions. Voilà, bon, pourquoi pas. Ils ont annoncé un nouveau FPS, Rising Storm 2 Vietnam. Voilà, un C'est marrant parce FPS de que guerre au Vietnam. déjà rien que le nom, t'as l'impression que c'est, tu sais, genre les bouses qu'on pouvait acheter il y a très longtemps. Voilà. Ou ce que la chatte à ta mère pourrait produire, par exemple. Non mais attends, on va rigoler, on va rigoler encore. Ils ont annoncé donc Killer Instinct. Ça vous dit quelque chose? Oui, le jeu est sorti sur Xbox One il y a 2 ans. Oui, je me disais bien, Voilà. oui, qu'il y avait un. Voilà, ils ont donc aussi réannoncé Gears of War Ultimate Edition. Ils ont annoncé un Total War Warhammer. Voilà. Bon bah No Man's Sky, No Man's Sky dont on a déjà parlé, Sony. Après, pour le Total War, ouais, non, enfin, ouais, non, parce que Total War, bon, voilà, c'est une grande série Ouais. qui a une forte communauté. Moi, je sais que j'ai un pote qui est fan et c'est ça qui m'a montré Honnêtement, c'est des bons jeux. Les Total War, c'est des très bons jeux. Enfin, honnêtement, enfin, la partie gestion, aussi bien que la partie combat, c'est vraiment bien foutu. Les combats sont super impressionnants. Où tu vois les putains d'armées avec je sais pas combien de personnages. Enfin, c'est voilà. Après, ouais, Total War, Warhammer, bah, c'est cool parce que ceux qui aiment bien Total War, ils vont découvrir un nouvel univers. Et peut-être que ceux qui sont la grosse communauté Warhammer vont peut-être voilà, se joindre. Peut-être, hein. Je sais pas, moi ça m'intéresse pas, donc voilà. Économiquement, c'est un bon plan. Ouais. Par contre, je suis désolé de te couper, mais on va finir très rapidement parce que ça, on va atteindre les 2 heures d'émission là. Oh putain, on est bon. Donc voilà. Bon bah No Man's Sky, on en a déjà parlé. Pillars of Eternity, en fait voilà, c'est une extension. Ils ont annoncé la partie 1, donc il y aura la partie 2 qui viendra. Donc ouais, trop bien. Ensuite voilà, ils ont parlé de DayZ. Ils annonçaient qu'il ne serait toujours pas fini. Non mais c'est ça, voilà, c'est ça. Mode solo jouable hors ligne, support du Steam Workshop, outil pour héberger son propre serveur, mais il n'y a pas de date de sortie. Donc Putain, c'est Blair Holland, quoi. ils ont aussi enchaîné avec Dirty Bomb par les créateurs de Brink, parce que c'est pas trois pattes à un canard. Planet Coaster, qui n'est ni plus ni moins qu'un roller coaster tycoon. J'aime bien les Voilà. tycoons, moi, j'aime bien. Arma 3. Bon, bah voilà, c'est Arma. Ouais, regarde, là, oui, voilà. Et puis le Deus Ex. Il y a eu plein de jeux qui ont été présentés, il y a eu plein de jeux, plein de petits jeux qui ont été juste d'un coup comme ça quoi. Paf, paf, paf, paf, paf. Avec entre chaque jeu des interviews des développeurs, c'était chiant. Il y a un moment j'ai cru que j'allais péter un câble. C'est-à-dire qu'ils ramènent une mallette sur scène. Et là tu fais... What's in the case? Pour les fans de Seven. Et donc ils disent on va faire arriver le PDG d'une grande entreprise, tout ça, et tu fais oh putain ça y est, Portal Half-Life, oh Portal Half-Life, oh Portal Half-Life. Et en fait non, c'était le PDG de AMD qui venait montrer sa nouvelle carte graphique, qui en fait était une carte graphique avec deux processeurs graphiques à l'intérieur. Cool. Je vous le rappelle, ils avaient fait quelques heures avant une conférence où ils présentaient leur matériel. Donc la carte graphique avait déjà été annoncée là-bas. J'ai l'impression qu'ils perdent pied face aux consoles un petit peu là-haut, plus ça va. Non, non, pas du tout. C'est qu'ils ont voulu se la faire à la... Bah comme plein de trucs, voilà, ils ont remontré Deus Ex, ils ont remontré No Man's Sky, ils ont remontré plein de jeux. Ils ont voulu faire le show. Moi, je me souviens, j'étais sur Twitter à ce moment-là. Le show a duré littéralement 3 heures et demie. 3 h 30 de platitude. 3 heures et demie. En fait, même pas. C'était pas de la platitude. C'était encore pire que ça. Parce que c'était genre, oh, t'avais un gros genre d'un coup, tu faisais putain merde. Ils vont parler de ça. Tu sais, c'était l'ascenseur émotionnel, mais tout le temps. Et c'était une succession de carottes moldaves. Ça a été une succession de carottes moldaves et d'ascenseurs émotionnels à base de putain ils vont parler d'un truc, ah non c'est autre chose. Ah putain ils vont parler de ça, ah non c'est autre chose. Ah putain ils vont parler de ça, ah non c'est autre chose. Et ça a été ça pendant 3 heures et demie. Je suis en train de remonter mes faves Twitter juste pour vous retrouver les magnifiques tweets au sujet justement du PC Gaming Show qui était juste... Enfin, terrible, c'était hilarant. J'ai vu des trucs hilarants. Non, je suis en train de remonter tout ça très rapidement. Hein. Alors on y est presque, on y est presque. 17. 17, voilà. Donc j'y suis. J'y suis. Voilà, alors on va rapidement regarder hein, les tweets. Voilà. La conf PC est tellement chiante que même le compte officiel de l'E3 s'en bat les couilles. Sans rigoler, c'était comme ça. Sans rigoler, c'était comme ça. Ils ont annoncé aussi American Truck Simulator. Tu vois, Euro Truck Simulator, bah, c'était American Truck Simulator. Tu rates avec les Truck Simulator, là, c'est pas possible. Alors, très drôle, il y a eu Antoine Daniel qui a posté Microphone Master Race parce que leurs micros n'ont pas arrêté de bugger. Voilà, ou alors pendant Daisy, sors le ton jeu au lieu d'en parler 150 fois. Et alors, Maxime de Globtopus, à qui je fais des gros bisous, parce qu'il m'a fait hurler de rire avec « Bah, c'est bien une conférence AMD. Ça rame, c'est lent, et t'as encore des gens pour te dire que c'est bien. » Voilà. Sinon, ok, du coup, PC Gaming Show, qui à l'image de Kinect, était prometteur, mais pétard mouillé. C'est con, parce qu'on a vu pas mal de trucs. Eh bien, c'était ennuyeux. La conférence avait un plot twist au final, pas celui qu'on espérait. Voilà, parce qu'ils ont parlé de Deus Ex à la fin. Voilà. Babal, notre cher Babal qui doit être là ce soir, qui nous dit « Première chose que j'ai dit quand le flux a coupé, oh putain, merci. » Voilà. On reconnaît la patte de Babal. Par contre, j'ai pas retrouvé les tweets que je voulais absolument retrouver. Mais voilà, il y avait un mec qui avait tweeté 26 juillet. Nous sommes tous la conférence PC Gaming Show de l'E3 n'est toujours pas terminée. Le gars de Daisy est sorti pour aller chercher de l'eau. On ne l'a pas revu depuis. Please send help. Parce que le public était mort. Le public était mort. Moi je regardais le restream FR encore une fois. Les commentateurs étaient là et t'avais genre « Ah oui, c'est bien, ça va être... » Ah. Ok. « Ah oui, ça va être... » Ah. Ok. Et ça a été ça pendant 3h30. À la fin, les commentateurs n'en pouvaient plus. Avec Florian, on était morts de rire. Normal. On était morts de rire, mais c'était les nerfs. C'était les nerfs. On n'en pouvait plus. On pleurait de rire. Mais c'était nerveux, quoi. On en arrivait à un point où c'était nerveux, où on craquait totalement. Et surtout qu'ils n'ont pas arrêté de teaser. Ça a été affreux. Ils n'ont pas arrêté de teaser. Excusez-moi, je bois un coup. Ils n'ont pas arrêté de teaser, genre, le gros PDG d'une grosse boîte. Et à chaque fois, ça revenait. Et tout le monde s'attendait à Gabe fucking Newell. Tout le monde s'attendait au président de Valve. Et le pire, c'était qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à faire un faux site de Valve où ils annonçaient Half-Life 3. Un faux site. Donc vous imaginez la hype. Le moment de sur le site de Valve, ils annoncent ça. Et le moment où tu regardes l'adresse, tu fais « Mais c'est pas de site de Valve. » Alors que pourtant, c'était celui qui arrivait en premier quand tu tapais Valve dans Google, quoi. Donc c'est pour dire à quel point ça a été un Google bomb. Et il n'y a pas eu une trace de Valve. Il n'y a rien eu. Et c'est terrible. Ça a été horriblement chiant. C'était horriblement chiant que ce soit à regarder, à écouter, à supporter. Les journalistes dans la salle, je suis sûr qu'il y en a 15 millions qui sont sortis pendant la conférence parce que c'était pas intéressant, c'était chiant. Et je dis ça, mais il y a deux raisons. La première, c'est que d'une, oui, c'était chiant. Et la deuxième, c'est que on avait tellement d'attentes. Pour moi, ce que j'ai vécu avec Avengers, il y a tellement d'attentes, tu t'attends à un truc tellement bien. Que quand ça tombe et que tu vois un truc qui est normal, qui casse pas trois pattes à un canard, bah tu fais « Ah ouais, c'est tout ?» Genre vraiment, c'est tout ? C'est tout ce qu'on a ? On a 15 DLC, 14 millions de jeux de merde, beaucoup de jeux indés qui ont pas l'air terribles, des redites de toutes les autres conférences. Et c'est tout. Genre vraiment. Limite la conférence. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'était la pire et que Nintendo c'était la deuxième pire. Parce que même la conférence Nintendo était plus intéressante que ça. Et c'est ouf quoi quand même d'en arriver là. Nintendo a fait mieux que vous les gars. Et pourtant fallait le faire. Et pourtant fallait le faire parce que c'était bien de la merde la conf Nintendo. Donc voilà, on a dépassé largement les 2 heures. Je vais juste finir en te demandant, toi, Puck, ton top 3 des meilleurs jeux de cette E3 2015. Top 3. Oh ouais. Putain. Uncharted en premier. Ouais. Le truc avec les dinosaures en deuxième, parce que vraiment, waouh, quoi. Et en troisième, honnêtement, j'aurais peur de dire une connerie en plaçant un jeu, donc je vais placer. Voilà, parce que voilà, le petit jeu que tu m'as fait découvrir. Parce qu'il est trop mignon, parce qu'il est génial. Il a l'air, il m'a touché au plus profond de moi-même. Je sais plus c'est quoi le nom, tu dois t'en souvenir. Unrivaled. Voilà, Unrivaled en troisième, parce que, ouais, je sais pas, moi je. La troisième place, c'est pour le côté enfantin. Voilà, j'aime bien. Il a l'air vraiment mignon. Il a l'air vraiment d'être prometteur. Donc, ouais, vas-y en troisième position celui-là. D'accord. Bah moi, en troisième, j'en mets deux ex aequo. Unrival. Et Cuphead. Cuphead, qui était très intéressant. Je sais pas si t'as vu le trailer de Cuphead. Ben je t'en prie, fais péter un lien. C'était ultra intéressant. C'était. Et tes premiers, deuxième à toi, ça serait quoi? Le deuxième. J'ai un peu de mal à me décider, en fait. Je suis en train de réfléchir sur le deuxième. En fait, je vais mettre Unravel en troisième, Cuphead en deuxième, parce que ce jeu me parle. Et en premier, tout le monde le sait. FF7. c'est con, mais je suis hypé, quoi. Enfin, j'adore Final Fantasy. Je sais pas quand l'épisode sortira, si ce sera fait ou pas, mais je compte faire l'intégrale des Final Fantasy sur Twitch, du 1 au 4, du 1 au 13-3. Le 15, c'est mort, hein. Voilà. Faut pas. D'ailleurs, tu pourras. Tu l'auras peut-être fait, parce que je te lance l'idée dans les émissions précédentes sur le chat, et là, de lancer ton... Oui, de mettre le lien du Twitch, tout ça, pour les gens qui voudraient voir. Du Twitch pour les gens qui voudraient voir, et puis continuer à faire partager tes listes, surtout, pour que les gens puissent voter. Oui. Bah, surtout que là, aujourd'hui, alors où j'enregistre, il y a eu la fin de Dark Souls 2, de Dark Souls 1 qui est sorti, à la fin, l'endroit où j'ai rage quit, donc... c'est sorti, je peux passer à autre chose. Non, c'est l'instant pub, honnêtement. Voilà, allez. Voilà, c'est l'instant pub. Faut aller sur la chaîne des survivants, parce que, autre, toi, il y a aussi Babal. Oui, il y a Babal et il y a Yota. Et honnêtement, c'est. Même si je ne passe pas ma vie sur Twitch, j'y vais occasionnellement, que la plupart du temps, je regarde des pubs, des uploads de YouTube. C'est intéressant à voir, parce que, outre le jeu, vous avez des commentateurs de qualité. Voilà, surtout que, sans spoiler, on a fait Resident Evil avec Ben. En plus. Voilà, et avec peut-être Puck, on a voulu mettre Puck dedans, on en reparlera. mais voilà, enfin vraiment, pour moi c'était un... Voilà, pour moi le mot de la fin, c'est que c'était un gros E3 sur le début. Ça commençait bien et ça s'est mal fini. Les deux dernières conférences étaient affligeantes de nullité. De toute façon, voilà, il peut pas y avoir deux. Enfin, ça serait inquiétant un E3 parfait. Non, mais je pense. Alors, par contre, la question que je vais te poser, c'est pour toi la meilleure conférence de l'E3, c'était laquelle? Bah, Sony. On est totalement d'accord. Et Sony a gagné l'E3. Clairement. Sony a gagné l'E3, quoi. Microsoft avait. Parce que clairement, la grosse compétition à chaque E3, c'est Microsoft-Sony. Ça, c'est plus que senti, parce qu'en soi, les éditeurs s'en foutent. Ils présentent leurs trucs et ils s'en battent un peu la race. Il n'y a pas de réelle compétition entre chaque éditeur, mais c'est vraiment Microsoft-Sony qui se mettent un peu sur la gueule. Et Honnêtement, quand même, on peut attribuer un bon point à Microsoft qui a fait quand même une conférence intéressante, une bonne conférence. Une C'est-à-dire que si conférence on très prend, intéressante cette année, ouais. si on prend celle de l'année dernière qui était, on les sentait en train un peu de se noyer par moments et presque dépité, alors que Sony, eux, était au plus grand de En leur forme. Hein, théorie. là, honnêtement, ouais, c'est Sony qui encore une fois arrive sur le haut du podium, mais Microsoft s'est vraiment bien défendu. Microsoft est vraiment pas loin derrière, quoi. Donc Ils voilà, sont vraiment pas loin derrière, s'ils mais je continuent sur pense. cette lancée-là, ça peut, ils peuvent, si ce n'est jouer à armes égales, peut-être prendre le dessus, on ne sait pas, hein, tout dépend Voilà. de l'avenir. Hein. Moi, je pense qu'il y aurait eu. Qu'il n'y aurait pas eu FF7, Last Guardian et Shenmue 3. C'était Microsoft qui arrivait en tête de liste. Mais le truc, c'est que ils ont tellement. Ça a été tellement genre. Bah ouais, il y a eu le. Bah voilà, FF7, Shenmue 3 à la suite, quoi. Ouais. FF7, Shenmue 3 à la suite avec The Last Guardian pour ouvrir. Déjà juste FF7, déjà ça te. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça aurait été soit Shenmue, soit The Last Guardian, soit FF7. Ils en auraient pensé que un. Voilà, ils ont fait les trois, donc on va dire que là ils ont fait un espèce de combo plus que divin. Ils en auraient pensé Exactement, ouais. juste un des trois. Voilà. Ça serait peut-être joué à armes égales avec Microsoft, ils auraient peut-être été au même niveau, mais il Voilà, y aurait c'est quand ça. même Mais une bon, avance, quoi, de. à sortir un FF7 comme ça, non, quoi. Enfin, clairement, les mecs, ils ont posé leurs couilles sur la table. Oui! Ils ont posé leurs couilles sur la table. Et c'était en mode. Voilà, quoi, on est là. Et surtout que c'est venu comme une surprise, parce que depuis le temps que. Depuis le temps que. Comment. Que Sony disait ne. Enfin, Square disait non, on fera jamais de remake de FF7, ça demande trop de temps, ça demande trop de. Le moment où ils l'ont annoncé, ça a été bah, l'Arlésienne, quoi. Personne n'y croyait. Personne n'y aurait jamais cru. Ils l'auraient pas annoncé. Les gens auraient fait, oui, bah c'est normal. Ils le feront pas. Et qu'il l'ait annoncé comme ça, tu fais, oh putain! Ah, c'est fort en émotion. Et voilà. Et on va s'arrêter là parce que ça fait une partie d'une heure quand même. Oui. Donc on va s'arrêter là et puis bah, on va vous faire des bisous. Restez hein, parce que là tout de suite ça va être retour au CP. Je vais m'en vouloir de commencer si tard, mais c'est pas grave. Aura passé un bon moment. C'est pas Pense au bon grave. moment qu'on aura passé. Pense à tout ça. Voilà, on se retrouve très bientôt. Très bientôt, enfin la semaine prochaine, pour Sur parler notre d'autre chose que antenne, le 3. comme dirait Pierre Lemaire, et j'aurai Voilà. le plaisir de vous retrouver très bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Même heure, même chaîne, soyez au rendez-vous. Bye bye! Bye bye.